Moi, je pars pas le show tant que personne n'est... Bouge bon, de là. Merci, Nick. Toi, t'as compris le concept. Ça marche. Right. Hey, on a la limite avec nous autres aussi. Bonsoir, tout le monde. Fait que, êtes-vous en forme, messieurs? Ah, moi, je suis en forme. J'ai faim. Oui. J'ai faim, je suis en forme. j'ai peur. Tout ça mélangé en même temps. Oui. Élie, t'es en forme? Yes. Parfait. Yes, fait faim aussi. Fait qu'on va starter ça live là. Fait que on va aller faire la transition qui va nous permettre de mettre l'introduction en post-production. Fait que we'll be right back dans 30 secondes. Fait que 3, 2, 1, transition. Donc, mesdames et messieurs, bienvenue au Geek Collectif, le podcast. Mon nom est André Paquette, accompagné ce soir de Jonathan Pick'n'Frit dans le bol Milter. Oh oui, je n'ai deux en plus. Ah, t'as maman. T'as pas pris la plus longue, genre non. Pour le Pride, là? Non, j'ai pris deux qui venaient ensemble. Parfait, ça, t'es un gars de groupe. Oui. Ça va, Joe? Oui. Ouais? Oui. T'as-tu hâte à asseoir? Moyennement. Ben oui, j'ai hâte, mais... Je suis pas un gars d'épicé, fait que je suis comme vierge de la bouche, là. Fait que ça va ça, être... Ça se finit à soir. Ouais, c'est ça. Fait que c'est-tu là qu'on fait des jokes louches à fait propos toutes de... les jokes louches que tu veux, j'en ai non, plein moi aussi. Ça va être correct. Accompagné également d'Éric Hébert. Allô! Comment ça va, Rick? Ça va très bien. Je suis très content de faire un show avec mon bon chum Élie. Mais hein? Puis c'est ça. Il m'a fait tomber en amour avec les sauces plus que je l'étais avant, puis... J'ai hâte de continuer cette aventure-là. Ça va être. Pas hâte à demain matin, par contre. On va mettre ça sur le. Tu vois, moi, je vois même pas loin de même. J'ai pas hâte à genre 10h30, 11h à ça. 10h30, 11h, j'ai pas de problème. C'est vraiment le matin là, qui va me stresser un peu. Mais on va bien s'amuser. Puis la dernière fois qu'on a fait Arcade Piquante avec lui, on fait le bêta. J'ai bien survi ça quand même. Là. Fait que je m'ai surpris moi-même. C'est pas ton premier barbecue, finalement. C'est pas mon premier barbecue. Puis, ouais, en tout cas, je suis convaincu qu'on va. Je suis convaincu qu'on va être capable de bien s'arranger. Puis il n'y a pas de remède magique, mesdames et messieurs. Il faut juste que tu le laisses passer. On a la chance d'être accompagné ce soir d'Élie Rodrigue d'Arcade Piquante slash Arcade Montréal slash Monsieur qui boit des sauces fortes. Yes, qui boit. Comment ça va, Monsieur Élie? Ça va très bien. Encore un peu en train de me remettre de mon dernier tournage, mais ça va bien. Ben oui, c'est ça. Tu as eu un tournage il n'y a pas longtemps avec Ben Cassette, hein, je pense. On a tourné lundi avec Ben Cassette et bonne émission. Ça va être. Dans le fond, ça sort le 27, je pense, tu disais? Lundi prochain, normalement, si j'ai le temps de tout finir. Bon, ben perfect, ça. Fait que... Élie, il est tout le temps un peu comme... hangover de sauce, c'est dans le fond. Fait que lui, des lendemains, là, quand tout le monde parle de « oh, j'ai pas hâte à demain matin », il est comme « matin normal », c'est ça. Hey, shout-out à Flynet, hein. Je vois tout le monde qui sont là. Là, on a Willy qui est là. Crème, on a la belle gang qui sont là dans le chat avec nous autres à soir. Hey, on est accompagné aussi ce soir de l'homme, de la légende qui va s'occuper de la régie. Donc, il va être avec vous sur le chat et qui va s'assurer de bannir les gens qui vont venir niaiser sur le chat et dire de la merde. Max! Salut André. Comment ça va? Ça va super bien, toi. Ça va bien. T'as-tu hâte de manger des ailes piquantes? Moi, oui. Est-ce que le derrière il est prêt? Ça, c'est une autre histoire. Fait que vous allez voir Max faire quelques apparitions. Ah, c'est-tu, l'image a figé. Bon. Ah, non. Bon. Fait que là, ça plante, mais on reviendrait avec l'autre cam. Ouais, en tout cas, on va tout y mettre à genoux devant webcam piquante. La petite caméra. On allait teaser la sauce cam. Ce qu'on disait, c'est que ce soir, on va avoir la sauce cam qui va vous montrer qu'est-ce qu'on boit, slash qu'est-ce qu'on mange, slash qu'est-ce qu'on, qu'on rush. Fait qu'on va avoir la sauce cam avec nous autres. Qui va peut-être devenir notre main cam tantôt. Se suivez. dans cette aventure de podcast. Hey, là, parlant de ça, on a un show spécial ce soir. Puis, Élie, on start dessus avec notre première Wings de la soirée. Fait qu'en réalité, là, on va parler de sauce piquante. On va parler d'ailes de poulet. Tu vas nous introduire dans ton monde de sauce piquante. On va découvrir ça. Avec quoi tu veux starter ça, là? On va commencer par la même que je fais dans mon show. Oh, on va aller avec la sauce cam. La sauce cam. La cochonne à saveur de bacon de saucepiquante.ca. Saucepiquante.ca est un des sponsors du show. Super bonne sauce faite à base de vinaigre et d'infusion de bacon, de vrai bacon. une sauce à peine piquante. Là. Si vous ne tripez pas trop piquant, vous pouvez goûter, il n'y a pas de problème. Puis elle goûte le bacon en plus. Elle goûte beaucoup de bacon. Pas piquant, bacon, parfait pour moi. Ouais, ça, c'est dans tes cas, mon Joe, quand ça goûte le bacon. Lit, ça me dérange pas. Là, on se fait okay, dessus. Mais là, c'est on, ça. Fait que là, qui est en charge? On se passe le bol. Non, non, c'est correct. On va faire ça ici. Ah ben, moi, j'aime ça quand Rick y entreprend. Je me rends pas plus, mais... Attends, on va t'arranger ça. Mais une cinquième aussi pour notre ami Max. All right. Là, Ellie va commencer à me donner de même. Je vais te dépêcher ça. C'était une de tes... Moi, c'était la première que j'avais goûté quand j'ai fait le show avec toi. Puis, c'est pas mal toujours la première dans le show. Là. Moi, j'aime comment il va avec rigueur. Ouais, on va bien les saucer. Douceur, hein. Ils vont goûter un peu, je pense. J'imagine on fait... plus qu'on avance, moins qu'il met... y a besoin de mettre de sauce. Non. Non? Non. OK. Non. Je connais pas ça. Puis les dernières, on fait un double dab aussi. Puis, Ouais, puis quand c'est un jour impair, c'est un triple dab. On est correct. Fait que Max, viens te pick une sauce. On fait un petit chin collectif. Moi, je vais y aller ici. Je me rends pas, fait que je le fais. On est quand même dans une catégorie. Je catégorise mes sauces sur différents types. On est dans la catégorie savoureuse. Fait que savourons ensemble. Cheers, guys. Cheers. La sauce sur le micro va être malade. En tout cas, vous avez un show des SMR gratis en même temps. C'est vrai qu'elle est bonne. Excellent. Tu sais, à peine piquant, là. Moi, non, non, mais c'est plus là. Sucré. Ouais, ouais. J'ai un goût de zéro le piquant actuellement. Ah. Ouais. Ça, c'était bon. Check Ricky. Non, il aime beaucoup le bacon. Ricky, il met d'autres. Ricky double dab tout de suite. Ah, ça, c'est bon, ça. À toutes les wings. C'est-tu un terme de l'industrie, ça, double dabé? Non, ok, non. C'est Rick qui invente. Mais comment vous faites pour différencier le dab de sauce du dab de Milter? C'est pas pareil. C'est vrai, pareil. Zéro piquant. Très savoureux, mais c'est correct. Willy, peux-tu donner notre anus un petit peu de break? Il va venir, là, la sauce. Ça s'en vient, là. Hey, guys, okay. Pendant qu'on savoure cette sauce-là, d'habitude, Ellie, il y a un truc qu'on fait au début du collectif depuis la saison 2. On va aller explorer qu'est-ce qui se passe on this day. Fait, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui, le 22 août. Fait, en 1930, on avait les débuts de Betty Boop dans le dessin animé de Max Fleischer, Daisy Dishes. C'est la première fois que Betty Boop... Le plus drôle, moi puis Rick, on parlait de Betty Boop. Pour vrai? Oui. Ben, en fait, on a parlé de Woody. On parlait de Woody Woodpecker. Il y a un film vraiment pourri de Woody Woodpecker qui est sorti. C'est pas bon, man. Puis là, Milter était comme... c'est la même catégorie que le monde qui... ses filles qui se tatouent Betty... En fait, on a cherché le nom. Ouais. Puis là, avait ça de Betty... Ah, Betty Boop. Attends, Betty Boop? C'est-tu l'ancêtre du tatou Carpe Diem? Calisse, en 1958, Robert Redford se mariait. Oh. Pour la première fois? C'est pas indiqué. Fait que je l'ai juste pas pris en note. Ça revient souvent, ça, dans l'année. Là. C'est ça, exact. Ben, je sais pas. Non, je pense qu'il est marié avec la même, lui. Il a l'air vieux jeu, Redford. En 1968, la naissance de Gillian Anderson à Chicago, Illinois. Fait que ça a été... Mais quoi, t'as dit? Gillian Anderson. Gillian Anderson, Scully, Dana Scully dans X-Files, dans le fond, qui est né en 68. Calisse, hein, ça. On l'a vu vraiment désintéresser à un Comic-Con une année, nous autres. Oui. Ouais, ouais. On ne peut plus désintéresser. En 1990, on avait la sortie de Outrun au Genesis au Japon. Oh. Fait que 27 ans aujourd'hui pour Outrun. Ah, mais au Genesis. Ouais, puis au Japon. C'est leur part. Mais en restant dans le Sega aussi, on avait en 2000... la sortie du jeu Seaman. Le game changer avec la voix Dreamcast. De Leonard Nimoy, dans le fond. Fait que c'est 18 ans pour Seaman aujourd'hui. Si les gens connaissent pas Seaman, puis vous avez une chance de vivre l'expérience Seaman avec le micro et tout, c'est fucké ce jeu. Puis Seaman, il y a 18 ans, fait que tu peux y dire qu'est-ce que tu veux. À partir de maintenant, dans le fond, c'est vrai, Seaman. Seaman, S-E-A-M-E-N, et non semence. Très important quand très tu important. Googles. Tu sais, la semence de Leonard Nimoy, on va pas là, nous autres. Sur c'est Seaman pas... Dreamcast, pas. Et c'était un triste moment en 2008. C'était la mort de Bernie Mac. Aujourd'hui, La mort de la franchise Oceans. Oceans, et... ouais, c'est on revient plus. Il a dit en plus qu'il ne referait plus à cause qu'il manquait un gros joueur. C'est pour ça qu'il ne voulait plus le refaire. Mais anyways, on a eu des femmes. Fait que c'est ça. Fait que... J'en ai un aussi. Oui. Il y a 9 ans, je me mariais. Oh. My God, aujourd'hui, c'est ta journée. Puis t'étais avec nous autres en train de faire un podcast. Oui. Excellent. Donc c'est un très bon mariage. Pour vrai, Ellie. C'est nice. Félicitations. Félicitations à Madame Élie. Ben, Madame Élie, qui est une excellente femme. Madame Élie, c'est ça. C'est cool, ça, c'est cool. C'est vraiment nice. Mais elle t'a sûrement dit, mais au 10, là. Ouais, elle a dit ça. Mais t'es doublement chanceux, parce que toi, dans le fond, tu t'es marié proche de ta fête aussi, là, finalement. Là. T'as catché comment ça marche. Je peux pas l'oublier. Ben ouais. Ah, OK! Ça vient avec. Fait que c'est ma fête le lendemain, mon anniversaire de mariage. Donc... Je peux pas me tromper. Ça aurait été mieux le contraire, par exemple, parce que tu peux prendre ton cadeau de fête pour acheter de quoi à ta femme pour le cadeau de mariage le lendemain. Pro tip si de t'as oublié, là. Milter pro à Bill Murray. Il est allé direct, là. Je suis pas marié, moi, ça fait. Non, c'est pas vrai. Aïe, aïe. Calvaire. Hey, non, ça, c'est... Ouais, c'est un pro tip. Fait qu'Élie, dans le fond, à soir, là, on a comme objectif de, premièrement, te positionner. Élie, moi, je t'ai connu par l'entremise du Cercle d'Arcade Montréal, le WEG, etc. Je te connais en tant qu'aficionado de sauce piquante. Le mâle alpha qui va chasser puis qui ramène la yandre. Qui tue des affaires. C'est ça, qui tue des affaires puis qui les mange après. T'es un des partners dans Arcade Montréal aussi également. Puis là, t'as lancé Arcade Piquante. Yes. C'est quoi Arcade Piquante? C'est comme un combiné de plein d'affaires que j'aime. En fait, ça a parti, on avait fait une soirée chez Arcade Montréal avec Yannick Demartino. C'est lui qui nous a approché faire un tournoi de Tetris. L'humoriste, tu parles? L'humoriste, ouais. Okay. Ouais. Puis j'aimerais juste avec... dire que j'ai vu Élie Sabrosse dans sa Rosalie. C'est quoi son nom? Bayancourt. Bayancourt ce soir-là. Élie, c'est un. Et quand il vient au PR, là, Élie, c'est une machine. Mais j'asais avec avant la soirée, presque à Tetris, puis on s'est mis à jaser de Dreamcast. J'ai trouvé ça vraiment cool. Puis il y a plein de personnalités comme ça qui trippent sur des jeux vidéo, puis qu'on sait pas. Ouais. Puis c'est des trips, tu sais, c'est pas ils jouent à Mario, non, ils connaissaient Bloody Roar, puis tu sais, puis on parlait de jeux okay, quand même deep, tu sais. Puis ça serait intéressant d'exposer ça parce qu'il y a plusieurs personnalités publiques qui aiment les jeux vidéo. Puis j'aime les sauces piquantes. Fait que. Pourquoi pas pour combiner les autres? Pourquoi pas? Non, mais tu sais, veux pas, je suis fan de Hot Ones. Oui. Puis j'aimais beaucoup le concept. Je trouvais que les Wings apportaient un pacing au show qui était super intéressant. Puis ça fait des réponses franches aussi. Quand tu poses des questions à quelqu'un, puis il est sur la sauce, là, tu sais, il sue sa vie, il veut juste que tout se termine. Hein. Puis c'est ça, il veut passer à autre chose, fait qu'il te répond direct. Il pense qu'il meurt, dans le fond, fait qu'il pense dit. Non, il va pas bien, là. C'est ça. Les derniers pour le monde même, de Sorel, sur la sauce, on parle de sauce piquante, ouais. Là, on parle pas d'être sur le jus, là. Pas le monde du gym, là. Mais Chris, c'est cool, ouais, puis le concept, là, à date, t'as fait un épisode inédit avec Eric. En fait, ça a commencé avant ça. J'ai fait un épisode inédit avec Parle du casse obligatoire, okay. Par Mathieu Bonin, des Bonchums. En fait, ça, je pense qu'une journée avant, j'ai dit « Hey, j'ai cette idée-là, j'aimerais ça essayer, ça vous tente-tu? » On est allé au bar quand c'était fermé, on l'a filmé, voir qu'est-ce que ça dit. Puis c'était intéressant, c'était un peu plus trash. Là. Puis l'idée aussi au début, c'était de ne pas faire de montage. Fait que cet épisode-là, on a clenché Wing, puis on jouait à Doctel, mais on n'a presque pas joué non plus. Là. Vous êtes-vous rendu ça à l'une? Ouais, on a joué ça à l'une là, avec le bon thème sonore, mais je pense qu'on a passé un tableau. Mais tu sais, c'est ça, c'était une demi-heure, puis mon but c'était pas de faire de montage. Finalement, j'ai appris à faire du montage. Fait qu'après ça, j'ai fait Eric. Je me suis planté un peu dans la balance de son, puis tout ça. Fait que ça a fait de quoi de weird. Julien Bernachez m'a dit. Il a le fun, lui, parce que c'est comme un cauchemar. Il traiterait sur notre podcast, lui, parce qu'on a scrappé des shows. Mais tu l'écoutes, le son pique, ben oui. La conversation ne suit pas, parce que j'ai juste gardé les bouts qu'on entend, ce qu'on dit. Ouais. Puis t'as des sons de gun au travers de ça. C'est vraiment weird. Fait que là, moi, tu sais, mon but, c'était de faire avec des personnalités publiques non reliées au milieu du gaming. Mm-hmm. Fait que je me suis dit, ça me prend de quoi montrer quand même qui est intéressant. Puis ça, c'est le fun à voir, mais c'est pas vendeur pour aller chercher n'importe qui, n'importe quelle personnalité. Fait que là, une journée à l'avance là, du prochain lundi, j'ai demandé à Jonathan Brochu, un autre chum, j'ai dit « Hey, ça tente-tu, là, je veux en refaire un autre ». Puis là, ça a bien été, tu sais, ça a bien sorti, les caméras étaient bonnes, le son était bon, le show de Johnny Greatest, il a donné la bave là. De Greatest. C'était ça a vraiment c'était incroyable. Un bon show. Puis là, après ça, j'ai fait. On a fait le premier qui était Laurent Lassalle. J'avais choisi Laurent parce que c'était quelqu'un que justement tu penserais pas que j'inviterais. Il est relié au milieu du gaming. Je savais qu'il allait accepter. Mais c'était. C'est, il compte-tu okay. comme une personnalité, Laurent? Ouais, je crois okay. que c'est une personnalité quand même. Tu sais, t'as Monsieur Net. Il était, ouais, c'est il vrai. Était encore, ouais. Il est encore à Radio Cannes. Vous puis... avez joué à des mineurs, c'est ça? Ah, on a joué à Resident Evil. Après ça, Julien Bernatchez. Il était bon cet épisode, monsieur. Ouais, quand bien même, aimé. Quand ouais, même. Ouais. On l'a fait avec, après ça avec Julien Bernatchez, qui m'a repris en faisant une magnifique joke de Cédrica. Oh. Non, mais t'es douce la joke. Là, fait que c'était repris avec la sauce par après. C'est ça. Fait que c'est pas Provençais. Non. Mais. Je me l'ai fait dire ça en passant. La première fois que j'ai rencontré, moi aussi, là, ouais. Il m'a corrigé de la même manière. Ah, ouais. Je pense que ça doit y arriver souvent. Ouais. Ah, ça, Bernatche. Doit, ça sonne espagnol. Ouais. Je lis, tu sais. Mais c'était super cool, super chat. Le gars, je le croisais des fois au bar, tu sais. Fait que je savais qu'il était un gamer. Fait, nice. Il trippe à faire des affaires de même. Puis là, Ben Cassette, l'animateur de la lutte RDS. Je trouvais ça intéressant. On avait déjà fait une soirée à l'arcade aussi avec Radio Énergie. Il était là. Fait qu'on allait jaser. Je l'ai rejoint. Puis après ça, là, on s'enligne. Dans le futur. Excellent, excellent. Ben, honnêtement, c'est super cool comme concept. Puis c'est justement, comme tu dis, c'est la gradation dans ton concept. Là, je vois que tu commences à être un peu plus habitué. Tu commences à avoir trouvé qu'est-ce que tu veux mettre l'emphase dessus. Honnêtement, celui avec Julien Bernatchez, Dom Massy en arrière m'a fait rire bien raide. C'était juste drôle. Fait que je trouve que t'as un méchant bon concept. Là, je vois Eric qui set des wings. Toi, t'avais un timer tantôt. Fait que là, c'est quoi? C'était aux 5 minutes, t'as mis ça, toi? Non, j'avais mis aux 7 à peu près. OK, 10, fait qu'aux 7 minutes. Ouais. OK, fait que là, on est rendu à la deuxième sauce de la soirée. Moi, j'aimerais ça qu'on teste deux goûts. OK. J'ai une sauce que je me suis trompé dans un des épisodes en plus. C'est la dame au bleu, hein? Okay. On va aller à la podcast. Ah, c'est bonne celle-là, là. Il y a deux versions. Puis en fait, c'est le gars de Dame qui m'a repris après ça sur Facebook quand j'avais posté. On a la version extrême ici, avec le label plus jaune, et la version normale. Étrangement, la version normale est à base de Carolina Reaper, qui est le piment le plus fort naturel, disons. Okay. Mais il n'y en a vraiment pas beaucoup. Puis l'autre, c'est une collaboration avec Britannia Mills, qui est un des plus gros producteurs de piments forts au Québec. C'est un mix de plein de piments forts. Beaucoup plus. Un assemblage. Puis ça te pique partout dans la gueule. Moi, quand je vois du monde parler de sauce, ils parlent tout le temps de l'échelle de Scoville ou quelque chose de même. C'est combien ça là-dessus? Puis qu'est-ce que ça veut dire? Les sauces québécoises, il n'y a pas beaucoup de gradation de Scoville. Okay. On peut essayer de tableur, mais c'est que c'est comme vraiment compliqué. Puis c'est très. Je me rappelle pas du bon terme, là, mais c'est. Une sauce, quand elle va se faire grader sur l'échelle de Scoville, c'est comme trois gars. Qu'il faut qu'ils goûtent à la sauce diluée pour dire ok, je la sens plus. Quand ils la sentent plus, ils ont établi l'échelle. En gros, tu sais, un jalapeno, mettons, c'est 5000 à peu près sur l'échelle de Scoville. Ce que ça veut dire, le 5000, c'est que si tu prends une goutte de jalapeno, ça prend 5000 gouttes d'eau avant de plus sentir le piquant du jalapeno dans l'eau. Ok, fait qu'il y a vraiment trois gars qui passent leur semaine à faire bon, ben on dilue une goutte dans 5 gouttes. Quand ils disent 9 millions, là, c'est ça, des fois, ouais. Il semble que j'ai vu ça. Fait que c'est 9 millions de gouttes d'eau avant que tu se pour une piquant. Goutte de piquant pour plus que tu le ressens. C'est des chimistes, eux autres. Sacrément. C'est des prestataires, dans le fond, dans un 3D. Combien c'est 9 millions de gouttes d'eau? Ben, c'est une bouteille. D'eau, ça va te prendre 9 000 litres. Si, bois. Fuck, ok, bon. Fait que là, ça, c'est pas coté, mais là, on commence par laquelle? La extrême, la pas extrême? Faudrait trouver une manière de les comparer. Moi, j'aimerais qu'on goûte chacun un ou deux. Fait qu'on peut peut-être faire la moitié, la normale, puis l'autre moitié. Ouais, j'avoue. Ok, extrême. Fait que comme le vert, nous, la normale, puis le vert, la caméra, l'extrême? Ouais, c'est bon. Ok, c'est bon. Ouais, moi, je suis winning. Puis celle-là, t'as décrit comment? Fruité? C'est très fruité, ça goûte vraiment sucré. Bleuet. Puis c'est du bleuet du lac de ma région de provenance. Là. Puis c'est un bleuet sucré. Fait que t'es un bleuet toi-même, ouais, là, dans le fond. Ouais, j'étais un bleuet moi-même. Là, puis, Fait que ça, c'est les pères trappistes qui font ça? Ou... Non. Oh. Oh. Un liquide pas mal, ben. Ouais. Mais c'est quoi, on fait une moitié, elle? Une moitié correcte, puis l'autre... Mais en même temps... On a JC82, ou B2, excuse-moi, j'ai pas mis de lunettes. Hein. Okay, 20 000 gouttes d'eau dans un litre. OK. Mais c'est parce que ça, l'échelle de Scoville, c'est que tu pars avec. Si on compare en gouttes, si tu vas en millilitres, 1 millilitre, puis 20 000 millilitres d'eau. Wow, ouais, mais c'est parce que les gars, plus en quelque part. C'est un peu moins long. Ouais, mais c'est un peu. Compter 20 000 gouttes d'eau, c'est ouais. Drôle, là. Ouais. Fait il on pourrait inventer une machine qui compte des gouttes d'eau, on pourrait peut-être... Mais ça veut dire que les gars, ils ont crissé une goutte dans 450 litres d'eau, c'est quand même popé avant qu'ils disent « elle goûte pas ». Chris, hey, celle-là, je pense qu'on va sortir des Scott. Oh boy, hein? Elle va être joyeuse, je pense. Johnny Tabarnak, c'est clair que ça me prendrait 12 rouleaux de Rolaids pour survivre à cet épisode-là. On va te dire ça tout à l'heure. Oh boy. Bon, fait que, ok. Oh. Fait que, allons-y. Dans la partie pas piquante avant. On va dans le pas piquant encore. C'est là par nous. Ah, ok. Fait que vers nous, pas piquant, puis vers la caméra. Ok, ben, santé. Cheers. Cheers. Ok, fait que vers nous. Oh, ça goûtait la partie non piquante, tu sais, il y a un petit fond de piquant quand même. Mais c'est si j'ai fruité, touché là. Au piquant. Ouais. C'est fucké, c'est comme si je mangeais de la confiture, mais spicy, genre. Mm-hmm. Bon. Ouais. Au moins là, on rentre dans la chaleur. Là. Ça, c'était le pas piquant, hein, le pas piquant avec tabarnak. Mm. Ok. Ouais, mais c'était piquant le fun quand même. Le degré il monte, là. Ouais, ouais. T'sais, oh, Chris, oui. Si on reste dans mes catégories de tantôt, celle, la normale, qui est, en fait, la sauce s'appelle le sac de blues aussi. Ouais. La normale, je la mets encore dans la catégorie savoureuse. Par contre, la extrême, je l'appellerais une sauce de semaine. Ouais, la extrême, c'est elle est pas pire. Joe, il m'a déjà... Elle est bonne, là, mais... Quand je parlais avec Joe, l'autre Joe, on parlait de Dead Cells. On a acheté Dead Cells, vraiment, c'est mm-hmm. vraiment bon, Dead Cells. Puis Joe, j'avais dit, tu sais, des fois, il pogne un random item. Son random item, il est comme, ah, des fois je commence pis c'est vraiment de la merde. Je suis comme, ben, au pire, reset, tu peux restart très facilement puis tu vas. Oh, mais ça fuck mes stats, ça l'écrit que j'ai là, restarté. Joe, il me regarde pis il me regarde, il m'écrit, moi je suis pas un quitter. Fait que c'est ta soeur qu'on teste ça. Tabarnak. Déjà le goût d'aller. Elle est persistante celle-là un peu, hein. Ah, elle est ben, bonne. C'est un mélange de piments. Chaque piment va faire réagir une zone dans ta bouche. Puis, étant donné que c'est un mélange de piments, ça réagit un peu partout. Ça a l'air. Hey, j'aimerais dire que c'est celle-là, quand j'étais là avec toi, le bacon était correct, là, mais quand j'ai pris le temps d'aller dépenser 12 fucking piastres sur une fucking affaire de sauce, c'est correct, c'était oh, celle-là. Là. Elle chauffe dans le bas de la gueule, tu sais, le haut, je suis comme bien correct. C'est le, Max, la le langue, bas, contrôle? La langue, la le bout de la langue, puis le devant de la bouche. Parfait, ça. Right, hey boy, j'en connais un qui va suer sa vie. Ouais, ben, moi, le pire, c'est que moi, je réagis de même. Tu sais, on a eu le plaisir de partager le WEG ensemble. Puis au WEG, justement, c'est ma première réaction, c'est je l'évalue. C'est plus c'est piquant, plus je sue de derrière les oreilles. C'est fucké au bout. Là, moi, mais... c'est en dessous des yeux, man. J'ai remarqué ah, ouais? ça. Ouais, ouais. C'est fucké. Hein. Les sauces plus dans le très piquant, mettons la extrême, faut faire attention de ne pas se frotter les yeux aussi. C'est bien ouais. Si je viens de me toucher les yeux. Ça, mais tu le sens instantanément ouais. là, si tu as touché. Puis quand tu vas aux toilettes, faut pas que tu touches la graine. Moi, ce que j'aime, par exemple, c'est que présentement, là, moindrement que j'avais un rhume, là, il vient de crisser le camp solide. Il reste plus rien. Ah, fait que tu commençais à avoir le rhume? Je sais pas. Honnêtement, pas tout. Parce qu'on le est rhume. Ouais. Non, faites-vous-en pas. C'est parce que ma blonde est malade. Puis là, présentement, on a eu une petite mousse tantôt. Moi, c'est un bon streak, là. Non, moi, faites-vous-en pas, moi aussi. Je suis rentré hier à la fête, hey, je suis malade. Je vais dire, ah ouais! Je m'en ai passé à balayeuse. Mais, Je veux juste les placer pendant qu'on parle, mais c'est on les utilise pas tout de suite. Élie, toi, t'es tombé là-dedans comment, les sauces fortes? J'ai tout le temps aimé ça. J'ai tout le temps aimé les piments forts, j'en mets, tu sais, de la sauce Red Hot, j'en ai tout le temps chez nous, j'en prends tout le temps sur un peu tout. La Frank's Red Hot? Ouais, la Frank's Red Hot. Mm-hmm. Puis, j'ai découvert, tu sais, un manège, tu vois, chez IGA, il y a un stand de saucepiquante.ca. Ouais. Tu check, puis ah, ça a l'air intéressant, ça, tu goûtes, puis... L'accessibilité est rendue le fun, ben justement, tu sais, le stand de saucepiquante.ca, là, on s'avait écrit, j'ai fait, hey, j'ai réussi à en trouver dans mon bout, ce qui est une denrée rare. Là. À part pour les beer shops, parce que t'as beaucoup de beer shops qui commencent à en rentrer. Ben, là, les justement. Restaurants Soublon ont toute une belle sélection, c'est pas saucepiquante.ca, mais ont vraiment une belle solution. Puis ils sont rendus producteurs aussi en collaboration avec d'autres personnes. Là. Fuck, ça, je savais pas. De sauce, mais c'est un peu associé, je trouve, à cette heure. Comme, oui. Ben, c'est un monde qui ressemble beaucoup à la bière de microbrasserie. Ça va être la prochaine, ça. On va pas nécessairement, je vais juste montrer, ça, c'est une sauce de l'espace Soublon. Ok. Ça s'appelle bon. Mais ouais, c'est un monde qui ressemble beaucoup au monde de microbrasserie parce que c'est des petits producteurs locaux qui font des petites batches puis ils se connaissent tous, ils se parlent, font des collaborations ensemble, échangent leurs recettes. Et, c'est vraiment super. Puis y a combien, mettons, de. Tu sais, c'est-tu comme 6 gars au Québec qui ont le monopole puis ils font leur truc ensemble ou. Il y a à peu près 8 gros producteurs, je dirais. Là. Ben, il y en avait 7, mais le gros Dan a pété les jambes. c'est une petite clique là, qui se connaissent toutes quand même. Puis c'est quasiment toutes le même embouteilleur. Puis, c'est quand même c'est cool, ça, pareil. C'est un beau monde. Puis, dans le fond, là, fait que toi, t'as toujours trippé là-dessus. Puis, si tu vois, ça commence à être. Tu sais, là, on l'a vu, là, ça commence à être un peu plus accessible. Chez IGA, j'avais un display de peut-être un 4 pieds linéaire, plein de sauces piquantes. Puis, c'est qu'on a commencé à avoir des saveurs le fun. Ou est-ce que. Tu sais, là, je vais vous amener dans un monde. Ouais. Je vous amène dans un monde où, à la fin, ça va être trop piquant, là. Mais toute la partie avant, ce que j'appelle sauce de semaine/slash savoureuse, c'est le fun à goûter. Tu sais, la sauce au bacon. Oui. Pour quelqu'un qui aime pas le piquant, ça a juste un petit kick, c'est pas peur. J'en ai une chez nous, c'est Dame Cafon, j'ai passé proche de l'amener. C'est une sauce piquante pour enfants, faite avec Achum le clown. C'est bien cool. C'est comme c'est un remplacement un peu d'un ketchup pratiquement. Là, puis c'est genre juste piquant. Pour dire, ok. Ben moi, tu m'en avais recommandé une justement, puis c'est la Smoke Show. Ouais. Justement, qui est c'est du jalapeno, je pense, fumé. Fait que, je l'avais descendu en plus tantôt. Là. Ça, guys, en passant, là, ça, c'est ma daily driver, je vous dirais, l'été, souvent avec du barbecue. Là, un pas super piquante. Vous pouvez faire une méchante bonne vinaigrette à salade avec ça. Je viens vraiment de dire ça au collectif. Oui. Tu peux te faire une bonne vinaigrette à salade. Mais ça, j'en bouffe quotidiennement. Un petit goût fumé en plus. Je l'ai pogné chez Métro, c'était genre 8$ pour le pot. Puis ça fait à peu près. Tu sais, gars, on va remettre la sauce cam. Là. Ça descend pas vite, puis ça fait à peu près 2-3 semaines que je pioche dedans. Là. Fait que tu sais, puis je vais quand même vigoureusement des petits raps, des affaires de même. Puis on a Keenan5727 qui dit qu'il y a une question. Vas-y, mon Keenan. Ouais, mais il y a quelqu'un qui a demandé combien de sauces qu'il y avait ici aussi. Oh, ah, que j'en ai amené. Je pense que j'en ai amené 13, 14. Mais à la maison, j'en ai peut-être 50 quelques. C'était super drôle parce que avant le show, justement, tu jasais avec toi sur Facebook. Puis là, maintenant, tu sais, j'étais tout content. J'ai envoyé ma photo de mes deux sauces que j'ai trouvées. Puis après ça, ben justement, tu sais, tout, c'est comme, il me montre le container à beurre du frigidaire qui est plein, la petite trappe en bas qui est pleine, il y en a de squeezé à l'autre bout. Fait que en fait, j'ai refait mon setup. Ceux-là qui suivent Arcade Picante sur Facebook vont peut-être reconnaître les photos du début. Quand j'ai commencé le show, j'en avais trop, ça rentrait mal dans mon frigidaire, j'en ai pété deux. Fait que là, volontairement, genre? Non, ça okay, je pensais, genre, je n'ai trop, fuck off, car. Il prend deux qui a eu le plus. Je suis sur le chien. Puis non, mais j'ai un petit fridge à bière chez nous. Puis c'est le timer. C'est le timer, eh boy. Je prends mon tiroir de fridge à bière, c'est rendu un tiroir à sauce, puis c'est la porte à sauce aussi. Là, ça, faut que tu gardes ça au frais. C'est con, mais tu m'as inspiré un peu, parce que dans le bar, j'ai pas fait l'intérieur du bar encore. Je vais mettre un frigideur à bière, mais je pense que les sauces vont se ramasser là aussi. C'est comme, hey, t'aimes ça le bourbon? Ouais, pas tout. Mais t'as-tu goûté les sauces fortes, par exemple? Toujours bon, des wings prêtes à tout, claque. Puis tu parlais un peu de la Smoke Show. Il y a aussi une sauce aioli qu'ils font. Elle s'appelle la Smoke Show aussi dans une affaire de même. Doit être bon avec des frites. Ça, l'histoire de la Smoke Show est quand même un peu intéressante. Là. C'était un gars qui travaillait, je me rappelle pas, je t'avais dit l'autre jour, un smoker. C'est pas chez Joe Beef, je pense. C'est Joe Beef, le gars qui travaillait. Il faisait pousser des jalapenos, faisait des sauces pour le fun chez eux. Il avait son coloc. Tripait, il y a un fumoir, tu sais, puis il faisait fumer toute sa viande, puis tout ça, puis il disait, moi, essayez ça, me faire fumer des jalapenos, faire une sauce avec ça. Il l'a fait, l'aime pas ben, en met dans un pot maçon dans son fridge chez eux. Il y a un parterre à m'amener, sortir, manger avec des nachos, puis de la viande. Tous ses chums, ils ont dit, tu m'en donnes quand je pars, je l'adore, tu sais. Puis là, il s'est mis à commercialiser, puis Elle a vraiment un goût particulier, puis tu sais, c'est pas trop piquant. Même, tu sais, j'ai fait goûter au monde autour de moi, même mon père, ma belle-mère, tout le monde, tu sais, il était comme, c'est vraiment bon. Là, je pense qu'on a eu l'indicateur du sel d'Éric. Ouais. Là, on s'en va dans quel genre de domaine, Élie, avec les sauces? Le smoke, ouais, on fait pas la smoke. Bonne question. Je pense que tu disais tantôt, t'en avais deux, tu voulais qu'on compare aussi, là. Mais c'est ça. C'est quand même très piquant, là, les deux. Ouais, ok, ben, je te laisse y aller comme bon te semble. C'est une que je sortirais pas sur le show. Parce que c'est pas québécois, mais ça vient de l'île du Prince-Édouard. C'est mon show, j'essaie de garder les sauces québécoises. Ouais. Ça vient de l'île du Prince-Édouard. Maritime Madness. J'ai pas goûté encore sur de la bouffe, j'ai juste goûté une petite dab de même. Là. Sauce à base de habanero, à l'ail un peu. Parfait, ça. Parfait, bon, mais gars, on va starter avec ça. Là, on t'expliquais à un moment donné, là, quand on jasait ensemble, la différence entre une sauce, tu me disais comme, mettons, cette sauce-là est faite à base de compote de pommes, cette sauce-là est faite à base d'huile, ouais. Cette sauce-là, c'est quoi les différences, puis ça a-tu une incidence sur le goût? C'est la face à Milton. Milton, il doit mettre la sauce, puis il est là, puis il fait « Ah, oh, tabarnak! » Milton, il regardait ça, ben, là, « Ah, oh, si, je m'en allais prendre la photo, mais j'étais crampé en la regardant. » Oh my God. Oh, hey, elle va être popée, celle-là. Je sais pas, je pensais que c'était juste une goutte. Moi, j'aimerais que tu décrives la chaleur après. Comme ça, Milton va y goûter pareil. Je vais y goûter de toute façon, mais... Bon, mais en fait, j'ai pas goûté, fait que je sais pas. OK, fait que j'ai goûté. Bon, fait que firsties. Cheers. Cheers, les gars. Ah, ça a gelé. Hey, donnez-moi 2 secondes. 2 secondes, on drop la wing. Moi, je l'avais déjà en bout. OK, bon, ben, tapeur. Oh, fuck. Activate. Ah, ouais, ça marche. We're back. OK, bon, bon, génial. All right. Cheers. Allons-y, cheers. Cheers. Ouais, correct. La bleue était pire. Ouais. Ouais, elle est smooth, hein. Bon, oh, attends, elle s'en vient. Non, non, smooth après le bleu, mais effectivement, après, ça prend du temps avant qu'elle, qu'elle commence à être piquant. Moi, je les appelle les ça va sonner wrong, mais les sauces de fond de gorge. Tu sais que ça, ça part du fond de la gorge, c'est comme un tabarnak. Moi, j'ai des creepers. C'est des creepers, tu manges, puis souvent, tu t'apprêtes à prendre quelque chose. Oh, elle tape. Ouais. Tu sais, ta première bouchée d'air, là, tu fais comme. Oh, puis ça va, Joe? Ouais, numéro 1. Là, je m'ai rendu compte, j'ai mis, je m'accrochais un peu les babines avec la sauce, puis c'est le taux qui chauffe, là. Non, non, non. Fredo, il dit, c'est le fun de vous entendre saper. Attends, imagine-toi ceux qui vont l'écouter en version audio, man. Ah, tabarnak. Okay, ouais, fait qu'on jasait, là, c'est ça. Fait que les différences, huileuse, compote, toute la kit. Les bases de sauce vont faire un gros impact. C'est quelque chose que je connaissais pas récemment. Mais la plupart des sauces sont à base de vinaigre en différentes quantités. On l'a vu tantôt, la bleuet de base était très motonneuse. C'est les babines, ça. Man. Ouais, ouais, je suis ça, ça, hein. Bon, pas, mais c'est pas la tendance. C'est qu'on va tous réagir différemment ce soir en plus. C'est ça, mettons, la bleuette tantôt, c'était plus une pâte avec un petit peu de vinaigre. Fait que ça t'enrobe différemment. Tu as des sauces que c'est plus du vinaigre à base, comme celle-là, très liquide, tu sais, qui s'étend, c'est parce qu'il y a beaucoup de vinaigre. De la sauce red hot aussi à base de vinaigre. Excusez. Puis tu vas avoir des puis tu vas avoir des sauces à base d'huile, où est-ce qu'ils remplacent le vinaigre par de l'huile. Puis cette sauce-là va faire, j'en ai une tantôt qu'on va goûter, va faire que l'huile t'enrobe la bouche. Les babines, man, c'est... Tantôt, c'était juste la langue, genre, un peu en bas, là, c'est hey, juste si écoutez... le tour, là. Honnêtement, si vous écoutez ça en format audio, on a commencé à imbriquer les Twitch dans la page web. Puis ça va être sur notre Twitch aussi, vous pouvez aller l'écouter, mais allez voir la face à Milter sur le live. Plus que je chauffe, genre, plus ça chauffe. Il y a Willy, en plus, qui est comme sa première fois qu'on t'entend pas parler trop. Tabarnak. Ouais, moi, elle commence à. Elle est persistante, celle-là. Ouais, elle linger. Du habanero va se faire. Ça va s'estomper un peu. Tu sais, les gars des maritimes, là. Mais c'est ça, une sauce à base d'huile va te coller dans le fond, partout dans la bouche. Fait que là, ça va te toffer beaucoup plus longtemps. Puis surtout, si c'est sur un mélange de piments, fait que ça active toute ta bouche en même temps. Puis là, c'est partout, puis ça reste. C'est très traître. On va juste s'aider un peu. Ça a l'air con, mais. C'est parce que, tu sais. Je pense à Milter qui goûte la sauce sur le dessus, qui se fait crisser un gap par la sauce en dessous. Man. C'est vraiment le bout, là. Le bout des lèvres. T'as plusieurs réactions aussi sur la sauce. Quel fun à voir, tu sais. Là, on est sur un niveau pas trop peur où est-ce qu'on sue un peu, mais tu vois. C'est pas fini, c'est ça. Oh, hey, Jeff Labrec, merci pour le follow, c'est vraiment apprécié, là. Mais tu vas l'avoir comme les lèvres, des fois, vont se mettre à brûler. Tu vas te mettre à suer en arrière des oreilles. Il y en a que ça va faire baver. Mais ça dépend du monde. Ouais, moi j'ai déjà fait une novelty que mon frère avait apporté de Vegas, tu sais, une affaire comme Vegas. 20 millions Vegas. Anyways. Mais je me souviens juste que quand j'ai acheté ça, c'était la bave, la profusion qui avait sorti. Là, j'ai souffert en crise. Mais j'ai bavé comme le Christ pendant comme 5 minutes. Oh shit, hey, A Life Forsaken, merci pour ton Twitch Prime, vraiment apprécié, man. Bienvenue des Cool Beans. Oui. Yes. Moi, je suis de même, je suis le gars qui salive. Là. Mais je pense que c'est la quantité souvent qui va faire baver aussi. Si tu prends une grosse cuillère, tu vas te mettre à saliver comme ça, pas de bon sens, puis tu le contrôles pas, comme quand tu sors de chez le dentiste. Ouais, c'est ça. Tu le sais pas, tu sais, puis ça coule. Je risque d'avoir l'air là-dessus tantôt. Ça se peut. Ça se peut. Puis la quantité aussi, puis dépendant des piments et du monde, la roquette aussi. Oui. C'est un roquette spécial, je te dis. Mais c'est ça, débile parce que c'est pas un roquette joyeux parce que tu fais comme Chris, tu s'en aller, puis me laisses-tu tranquille. Parce que ça remonte le fort en même temps aussi. Là, fait que c'est... Mais ce que tu dis, l'aspect huileux, je me souviens, il y a une couple d'années, mon oncle est camionneur, puis il faisait souvent des runs au Nouveau-Mexique. Puis lui, il aime manger piquant. Puis il avait ramené des genres de petits piments que j'ai jamais su c'était quoi. Mais c'est fucking piment. Un moment donné, il se décide, il fait bon, on va y couper, puis on va y mettre dans l'huile avec de l'ail. Puis il a fait une genre d'huile épicée avec ça. Moi, un moment donné, il me donne un petit pot, pas de trouble, let's go. Je me fais. Quand tu connais pas la provenance d'un piment, là, vas-y doucement. Ben... Puis même avec une sauce, commence tranquille. T'sais, vas-y avec un bon dab, mais moi, de mon expérience, tu sais, t'as toujours le monde qui, tu sais, sur un party, ils veulent faire leur macho, puis Chris va prendre une cuillère à soupe, puis. Mollo, là, tu sais. Je trouve, j'ai plusieurs comparaisons que je peux faire avec la sauce, mais c'est un peu comme un boxeur, tu sais. Tu peux, faut que tu respectes ton adversaire, puis, mais faut pas que t'aies trop peur non plus. Oui, c'est pourquoi faut que je voie ma bouffe comme un adversaire. Je veux juste manger. Milton, juste pour vous mettre en contexte, quand on enregistrait dans le temps à Schlaga chez Eric, j'ai eu le plaisir d'aller manger chez Milton à pataterie du coin. Puis Milton, pour comprendre un peu sa réaction à soir, c'est le genre de gars qui se colle un hamburger plain, okay? Ouais, avec bacon. Spur cheese, rajoute du bacon, pas de sauce, pas d'oignon, pas fuck all. Là. Fait qu'à soir, lui, là, c'est sa zone de confort bien raide. Ouais. Mais ma comparaison, c'est ça. Mettons que t'as peur de ton adversaire, t'sais, comme Tyson dans le temps, tout le monde qui allait se battre contre, il avait peur. Tu vas manger une volée parce que t'es là, t'as peur, tu shakes, tu te fais ramasser. Si t'as trop peur de la sauce, tu te fais ramasser. Ah non, c'est clair. Mais si aussi tu fais ton kaki, tu dis c'est juste une sauce, tu vas te faire ramasser. Ouais. Respecte-la, attends-toi à quelque chose de fort. God, yes. Moi, je dirais peut-être avant les prochaines wings, on peut juste goûter aux chips que j'ai amené. Oui. Ça peut être intéressant. Aubrey, hein, c'est. Aubrey. Faut pas mettre de la sauce, ces chips, là. Non, okay. Des chips au habanero. Les chips au habanero, c'est de la série Rebelle. Ils ont trois catégories. T'as des jalapenos habanero ou l'autre, c'est juste barbecue, je pense. Puis habanero, c'est dans l'échelle des trois catégories. Ouais. C'est ça. Mais des chips au barbecue, je trouve ça fort. Moi, je vais m'abstenir parce que c'est pas keto. Ben, tu veux-tu, à la limite. Une sauce alternative sur cuillère pour nous accompagner? Non, je vais... Ouais. Je peux te faire goûter... on va goûter tout le monde ensemble après ça. Par contre, j'ai duré fort. Non, celle-là, on l'a fait après. Non, non, moi, celle-là n'est pas dans la liste des lits. Je vais juste faire mon... J'ai jamais vu Milton chugger de l'eau de même. Bon, hey. As-tu pris un chip? Ouais. Ouais. OK. Mais les chips, tu sais... Moi, j'ai le droit, Eric. Je suis pas keto encore. Si tu manges encore. Un chip... Un jour. Ça le ramène. C'est du habanero, même affaire que tantôt, c'est creeper. Mais ils sont cuits en marmite aussi. Ouais. Ça, j'adore ça. Des cuillère. Ouais, tu veux une cuillère? Ouais. Je vais goûter aussi à ta sauce. Moi aussi, je vais y aller. C'est ta sauce, Rick. Je t'accompagne. Ouais. Mais quand c'est ça, Ellie a apporté les sauces. Ben, quand, hey, on les drop-tu avec la sauce cam? Ben, ouais. Fait que ça ici, j'ai pogné ça. C'est la gang des. C'est vas-tu avant que ça sauce? C'est les grenouilles charmantes. Pas, pas trop. Mais c'est les gars de. C'est quoi le West? Ayoy, c'est ça? Ou Hawaii? Hawaii, ça, c'est le roi de la sauce. Ouais, c'est ça. Mais ça, c'est le gars de. C'est Hawaii, mais c'est les hors-série qui font juste mettre en bouteille eux-mêmes. Milton va nous suivre aussi. Oh, attention, pas de la table. Beaucoup moins que ça. Allons-y sur la plaque. Pour moi, là. Attends un peu, là. On va. Où on pourrait tous les verser chacun comme du sirop pour être sûr que. C'est l'émission la plus. Que ça. Ah, ben, c'est. Ah, je vais les passer. Bon, ok, pense à Kevin. Moi, je m'apprends elle. Non, non, là. Ah, tu veux. Non, elle est grosse. C'est une petite pour moi, là, vu qu'il n'y a pas de. Hey, le public réclame que tu prennes celle-là, Milter. Hey, ouais. Quand même pas si payé public, là. Si on a trois follow, Milter, il en chug une bouteille. Non. t'as la cuillère, c'est bon. Okay. Fait que ça, ici, c'est la salle brute. Tu peux juste la pogner en marché. Je pense que tu peux la commander sur saucepiquante.ca. Non, elle n'est pas sur saucepiquante.ca, il a dit. Je l'ai vu, ou sur le roi de la sauce, peut-être, là. Ah, OK, ben... C'est OK, attention, je vais remettre la cam. J'aimerais dire que c'est pas au chocolat, mais c'est une... Habanero au chocolat. C'est habanero au chocolat, ça. On prend une cuillère, hein, là. En même temps qu'il n'y a pas de peanut, moi. Santé. Quand on prend de la sauce à la cuillère, on goûte beaucoup plus la sauce que de tremper dans la main. Ah, je te confirme qu'on y goûte. Oh, tabarnak, oui. C'est un peu la même chose. C'est une sauce que tu t'amènes dans la bouche, ça prend du temps avant de, de faire réagir. À pas eu dans le fond, hein? Pas juste dans le fond. Elle est vraiment, elle a un bon goût. Ah, elle est super bonne. Oui, elle est vraiment bonne. Puis, c'est ça le problème. Du habanero, en plus, c'est pas super bon. Right, ça, ok, je pense, moi. À, ça, à ça, cuillère, c'est habanero encore? Ça, c'est habanero chocolat. Oh, tabarnak. Tabarnak. Oh, il est Rick. Il est pas capable d'avaler son nom. Tu connais que... Tu correct? Non. Non. Rick, il est mauve. Tu correct? Il est crampé. La caméra. Ça va aller, hein? La caméra, je l'ai. Hey, attends un peu. Oh. Oh. Oh my god. C'était la pire idée de la soirée. Oh non, la cam. Non, une chance que non. Mais là, quand j'ai commencé à rire, okay. On dirait que ça a resté figé là. J'essaie de réparer la cape. Il y a le même. C'est boire. Ça sera pas long, guys. Il fallait que je m'emmène un bernégo au piège, j'aurais dû. Moi, avec, j'ai passé ça, man. Elle croche un peu. Ouais, elle croche, on va l'ajuster. Moi, j'en prends un peu à cuillère de la foireuse. Non, elle n'est pas plus cuillère à partir de maintenant, man. Mais on goûte quand même plus à la cuillère. Oui, on l'a goûté en crise. En tout cas. Tu sais, ouais, je pleure. En ayant fait plusieurs émissions, j'ai aussi pu tester certaines manières pour apaiser la sauce. Il y a fuck all qui m'a fait. Tu peux prendre de l'eau, ça fait du bien, genre 2 secondes. Après ça, c'est un peu pire. De la bière, on va faire. Du lait va faire du bien à peu près 10 secondes. Après ça, c'est fait. J'ai entendu dire. Ta sauce, ta crise de sauce bootleg avec les styles d'étiquette faites dans le garage de Jean-Guy. Mais j'ai entendu que du sucre, ça l'absorbe toute l'huile. Du sucre aussi, j'ai entendu. J'ai entendu que c'est le meilleur. Mais j'ai pas. C'est la compagnie qui font la sauce rebelle qui m'ont dit que. Bon, Frosty, ça a gelé encore. Calice. Ok, donnez-nous 2 secondes, guys, on va vous arranger ça, là. Ok. Veux-tu qu'on change le setup? Moi, je vais montrer la sauce à la cam. Pogner le focus. Non, mais on va juste monter la cam. Attends, on va monter la cam en haut, là. Là, on est sur Rick qui dévisse ça. Oh! Ben, c'était le fun, ça. Je savais pas si ça t'arrête de tout fouiller. Ah, ouais, à un moment donné, non, mais... T'es sûr de respirer. Fallait juste que ça l'ouvre, là. Ok, on vous arrange ça. Man, je pense que la cam est fuckée, hein? Ça... Non, c'est juste qu'elle surchauffe. Hey Rick, veux-tu passer la cam par en dessous? Passe pas la cam ici, là, en dessous dans le fond, là. Parce qu'il y a ma main, là. On voit Rick! Oh oui, C'est genre chaque fois que je relâche de l'air, ça chauffe. Ça chauffe à toutes les fois qu'on respire. C'est spécial quand t'es dans la sauce de même. Là. Man. Calice. Tu correct? Oui. Bon, ça a passé. Ça a pris 2 minutes. Mais pendant 1 seconde, ma gueule. C'est comme. C'est du VR, comme la limette dit. Jamais un dab à cuillère. Ouais, la dame à cuillère. Ah non, fuck la cuillère, là. Oh, on était très stupides. Tellement stupide. Ça à la cuillère. C'était tellement stupide. À taper. Oh. Pourquoi on dirait qu'il enregistre tout le même. Mais non, ça l'enregistre. Non, ben, tous les micros, pas n'importe quoi. Ouais, ok. Bon, on devrait être popé de même, là. Non, ok, là, on est correct. Yes. Allô, Mysterio. Sacrément, salut, Mysterio. Salut, Mimi. T'arrives au bon moment. Hey, moi, je dis, faut battre le fer pendant qu'il est chaud. On passe à la prochaine. Oui, go. Moi, je pourrais goûter au nasal napalm, que je sais pas si c'est encore bon. Ça s'appelle vraiment nasal napalm? Ouais, c'est du réfort. Si vous connaissez le réfort, on change de registre. Un petit peu, ça ressemble à du wasabi. dans un certain sens. Toi, t'as pas de l'air sûr en ben, salle, je sais pas, je regarde. Normalement, on sert la cuillère. Non, non, ça, on va tout de suite à la cuillère? Non. Quoi? Il met sa cuillère. Mais c'est pas de la sauce, ça. C'est, ah, mais c'est attends, juste de attends, on va-tu s'arracher à la gueule encore? Go. Non. Ok. Non, je pense qu'il est rendu. Je peux-tu te faire confiance? Ouais, moi, là, la dernière, elle me chauffe, genre, comme dans les tripes. Qu'est-ce que tu pleures, man? Ouais. Moi, j'ai jamais mangé du oiseau. Max, es-tu parti pis, ok? Ok. Là, il est sorti les Rolades. Mais, j'irai peut-être d'ailleurs parce qu'elle est plus forte, elle est passée là. Ouais, puis bon, ok. Bon, ben, gars. On a des wings. Je pense que les wings pourraient nous aider, là. Sur des wings, hey, je peux peut-être vous envoyer quelque chose de plus doux. Oui, je me souviens pas du plus doux. Je dirais pas non, en tout cas. On va y aller avec la Jalapeno Rebel, tu vas pouvoir comparer avec la Smoke Show. Quelque chose, moi, que je considère encore dans le savoureux, ça goûte le piment, ça... Ouais, c'est piquant, là, mais tu sais... Ok. C'est pas comme... c'est comme la Smoke Show, je suis willing d'y aller. Ouais, ça ressemble un petit peu moins sucré, je dirais, à base de vinaigre aussi, mais il y a plus de piment que la Smoke Show. Élie, faudrait peut-être avancer ton mic un peu. Il est comme en retrait, puis il capte pas tout le temps. Ah si, bon, man. Le problème, c'est que je me sentais brave avec la cuillère. Là, je suis plus brave. Moi, le problème, c'est que je te dis, c'est vraiment... Quand j'ai vu la label, j'ai fait ça. C'est un gars qui a fait ça dans son sol, là. Puis ça va m'arracher à la gueule. C'est encore pire des fois qu'il le fasse dans son sol, là. Hey, man, j'ai la sueur qui perle sur le front. OK, on va le regretter, ma gueule, là, man. Tabarnak. Okay. Pratiquement sucré celle-là. Oui. Ok. Fait que. Cheers, messieurs. Cheers. Mm. On goûte vraiment beaucoup le jalapeno. Ah, oui, très. Mm. Ah, ça fait du bien ça. Tu sais, ça se compare pas à l'autre. Je sais pas si c'est parce que la wing est frette ou si c'est parce que la sauce est douce, mais ça fait du bien. C'est les deux là. Oh! Ça goûte beaucoup le piment, là, comme tu dis, par exemple. Ça goûte vraiment le jalapeno, là, tu sais. C'est beaucoup moins fort que l'autre. Ou oh, ouais, c'est fort, c'est juste qu'elle est moins que l'autre, fait que ça paraît pas. Je nous ai ramené, là. Il faut que je m'essuie les bras avec les. Les yeux avec les bras. Tu veux que tu fasses ta toi? Il est là, non. Non, moi, je suis correct, je m'essuie les yeux avec les coudes, genre. Ouais, ouais, mais c'est. Le premier qu'on a tourné à l'arcade avec PDCOVR. Non, PDC, pas du cas, c'est obligatoire. On a fini avec la Mad Dog, là, une affaire qui n'a pas de bon sens. Là. Puis, c'est la première fois qu'on le faisait. Quand on a fini, j'ai pesé sous stop. J'ai pris mes mains, je me l'ai mis dans la face. J'ai écrasé les deux yeux fermés pendant 20 minutes. Je pensais que j'allais mourir. J'en doute pas. C'est tellement pas un sentiment plaisant. Là. Je me demandais peut-être si tu le sais, c'est quoi qui est plus fort dans un sens, manger le piment... Que la sauce est faite avec direct? Oui. Ou, ok, oui. Fait que manger. Le piment frais, tu croquerais dans un jalapeno frais, tu vas battre 90% des sauces que j'ai là. Mais c'est pas agréable. Ouais, okay, c'est... Ouais, ça, c'est pas agréable. C'est pas bon, genre, là, le piment. Ben, c'est piments. Bon, ça goûte le piment, sauf que là, tu l'as partout dans la gueule, puis ça brûle. Tu le mastiques, c'est... genre, puis. Ok. Ouais. Puis. Tabarnak. Ouais, je fais chou, fait que je veux dire, on boit, nous autres. Ça décongestionne, hein? Une affaire que c'est... j'aime dans les sauces piquantes, là. Mettons que t'es fatigué un peu, genre, ou t'es moyen, là, t'es congestionné, t'en prends un petit shot, t'es plus fatigué. Ben, oui, non, je peux te certifier que je suis pas fatigué. Je suis réveillé en esti. Tu peux pas t'endormir. Mais là, quand je lis mes notes pour me remettre des ébossiers un petit peu, hey, j'ai là. La cuillère, c'était trop. Mais, là, on parle... C'est toi qui as le choix arcade piquante, pas nous autres. Jalapeno. Habanero, California Reaper, Ghost Pepper. C'est quoi les piments qu'on retrouve plus communément dans les sauces? Ben, l'habanero est quand même populaire parce qu'elle amène quelque chose d'assez fort, là. Tu sais, vous l'avez goûté, là. Ça n'en prend pas gros, ça punch. Puis, t'as un effet. C'était la cuillère, ça? Ouais. OK. Ben, l'autre avant aussi, là, des îles du Prince-Édouard, là. Les deux, aussi, là. OK, ouais. On voit de plus en plus du California Reaper en petite quantité. Tout petit. Ouais. Parce que. Ah ben je commence à me replacer là. Parce que le Reaper. Ça, c'est le chip en même temps, Reaper. Je viens de penser à ça. Excuse. Ah mais elle est correcte la chip. Ouais, elle est pas si bonne, c'est la quantité de chip que. Ok, mais est-ce que je t'ai coupé par un California Reaper? Le Carolina Reaper. c'est qu'il est quand même très goûteux en étant le piment le plus fort au monde. C'est Carolina ou California? Carolina. Ok, ok. Je me suis peut-être trompé, mais comme ça. Depuis tantôt, j'ai l'impression que tu t'en viens pour dire California Raisins. Non, c'est pas ça. Puis c'est ça, c'est... là, j'imagine des piments qui chantent, puis je suis comme crise d'idées de malade. Non, mais marketing. Des petits bonhommes qui des California Raisins. Ouais, ouais. Jeunes, chantait des c'était pas eux autres qui avaient des running shoes et des ouais. gros gants ouais, comme Mickey Mouse. Ouais. C'était des gros, ouais. des gros raisins. Là. Ouais. Puis ils chantaient des tunes de qui ont volé. Comme là, c'est, là j'avais lu en ligne, tu vas peut-être pouvoir nous éclairer. J'avais lu en ligne, tu vas peut-être pouvoir nous éclaircir là-dessus, mais là, il y a des piments que c'est pas la nature qui les fait pousser. Là. C'est l'homme qui ouais. il a décidé de faire le cave. Le Reaper, comme c'est un chiens. Peu ça. Je sais pas qu'est-ce qui fait qu'il considère naturel ou pas. Mais c'est un peu ça. Puis le Reaper, je peux en faire pousser chez nous facilement. Là, mais t'as le Pepper X qui est... ça sonne tellement bon, ça. Dans Pepper X. Ça, c'est zéro naturel. C'est fait pour être fort. Je peux pas en faire pousser chez nous. Là. Il y a une place aux États-Unis qui en font pousser. Puis ils font justement dans Hot Ones la dernière sauce, la Last Dab, est faite avec le Pepper X. Les reviews qui sortent, parce que la sauce même est très limitée en quantité. Mais c'est-tu des croisements de piments qu'ils font comme non, ou ça, c'est des mélanges des choses dans la chimie du avec piment, la génétique, là, c'est ça. Des GMO. Ouais, comme ils font avec le pote. T'as pas joué à Division, c'est de même, ça commence. Après ça, ils créent ça sur la monnaie dans les. Ouais, US, mais j'ai comme tout skippé le bout de plate de l'histoire, puis je jouais. Fait que dans le fond, Division, ça vient d'un Reaper au bout de c'est ça, exact. Puis Reaper, je pense que t'as des croisements. Puis là, t'as beaucoup de petits croisements aussi qui s'en viennent, là, des 7 Pots. T'as-tu reparti le timer, toi? On en fait ouais. un autre drette, là. Hein? Ah ouais? T'es ben... Chris, hey, Minter, il est willing. Okay, on part. Pendant qu'on Minter est parti, willing, on va le faire pendant que les shows. Il dure pas 2 heures, là. Il ben non, il reste encore 45 minutes. Et c'est ça. Avec, j'aime pas la couleur de celle-là. C'est mon début driver, Eric la connaît. Ah ouais, je la connais. On n'a plus de sauce cam. C'est la Grand Mamou édition Scorpion. La Grand Mamou, juste des mots qui inspirent confiance, étant une sauce qui goûte, moi je trouve, la Louisiane. Et édition Scorpion, c'est qu'ils ont mis du piment à Scorpion, qui est le deuxième piment le plus fort au monde dedans. Et, mais en petite quantité, puis c'est. C'est quoi, c'est des scorpions qu'il faut pousser, là ils mettent un dard dedans. C'est un scorpion, il est violent. Chaque scorpion pique les piments, genre. À chaque jour. Il travaille en chaîne, il fait piquer piment par des scorpions. Fun fact, un piment fort, c'est fort parce que ça se protège des bibites qui viennent le manger. Puis nous autres, on mange ça consciemment avec des épées. Pour le plaisir. Fait que techniquement, on prouve en esti qu'on est des mâles alpha en mangeant du piquant. Là, parce que c'est fait comme un mécanisme de défense. Là j'ai hâte. OK, il va vigoureusement encore avec la sauce. Non, mais elle est comparative. L'affaire qu'il y a, là, c'est que notre cuillerée à suicide, là, je pense qu'elle a balancé le reste de la soirée pour nous autres. Ouais, je pense que là, parce que là, elle, je la connais. Parce que Ellie, en fait, m'a demandé d'aller la ramasser pour lui. Puis finalement, je l'ai ramassé, je l'ai ouvert, puis je l'ai pas redonné. Puis lui, il s'en a acheté une après. Mais anyway, je voulais aller voir le roi de la sauce, anyway, bon. Je pense. Ça, ouais, je vais y aller. La Grand Mamou et Edition Scorpion, ça, c'est une collaboration entre Dame et le roi de la sauce. Juste disponible chez le roi de la sauce. Fait que cheers à nouveau, cheers. Messieurs. Cheers. Ah ben, elle est bonne. Je sais même pas comment pogner, de quel bord pogner celle-là, tellement qu'elle est amputée bizarre. Le piment scorpion, je le trouve vraiment le fun, moi. C'est probablement mon préféré. Parce qu'il est fort, sans trop de lime. C'est pas longtemps. C'est juste tu un petit punch. Rapidement. Tu sens raide rapidement. Je suis juste rendu craintif ce soir. Ça, c'est. Non, il est bon, lui. Mm-hmm. Eric, ta sauce m'a comme. J'ai peur de ta sauce maintenant. J'ai comme juste. Tu sais, je parlais tantôt, faut respecter un peu la sauce. Alors, je la respecte en esthétique. On l'a plus ou moins. Ouais, on l'a pas respecté. L'autre, on a fait comme ça. Tu l'as pris pour acquis en la traitant de BS avec son étiquette de marde. Non, je l'ai fait après ça, parce que c'est une sauce bootleg, c'est sûr. Là. Mais elle est malade. Ça, tu sors ça quand t'as la visite, là, genre la belle-mère. Là. Oh, et donc, la belle-mère, goûte ça. Elle, c'est peut-être moi, mais je trouve qu'elle goûtait pas aussi intense. Pas la chaleur, là, mais je parle... Ah, on est dû pour un autre? Le timer vient de partir. Le goût, non, mais elle qu'on vient de faire. Ouais, ça, elle goûtait moins. Elle goûtait moins. Ben, juste moins. Là, moins... Elle a plus d'épices que les autres. Moins de piment un peu. Ok. Elle goûte moins prononcé, genre. Plus cayenne, plus paprika, genre. Tu sais, ouais, ça c'est goûte comme. C'est comme ça, dis, là. Ouais. Mais c'est clair aussi qu'à force d'en faire, on est en train. Toutes les papilles gustatives, c'est que ça, sont mortes, là. Ils sont pas mortes, mais ils sont dans le tape, là, tu sais, puis ils sont. Yeah, mais ils viendront pas plus dans le temps. C'est le taux de la gueule là qui. Mais ça, avec une. Ça, c'est moi, j'en ai jamais mon sandwich. Brochette de crevettes sur le barbecue, là. Ouais. Ça, ouais, ça doit être malade, fucking bon avec. Dis le gars que. Je suis rendu au hockey, Question, non, mais... j'ai un petit peu une question un peu là-dessus, là, sur. Peux-tu avoir celle-là? Ah, ouais, ben. Je monte. Ouais, mais le turp peut la montrer proche. Ça va être la Vanna White des sauces. Mais on va vous mettre des photos sur la page du collectif puis sur le site web après. Faites-vous-en pas, guys. Désolé pour le setup, là, la caméra surchauffe. Fait que je voulais demander. Ah, c'est ça. On étite comme tu bois de la bière. Moi, j'ai de l'eau ici. Moi, j'ai de l'eau et de la bière. Souffrir. Ben, c'est ça, je disais un petit peu tantôt. Il y en a pas. Mais moi, du lait va te faire du bien 10 secondes. Du sucre que j'ai entendu dire que c'est bon, je l'ai pas essayé. Mais il y a quelqu'un qui a mentionné tantôt, tu sais, que sur le coup, moi en tout cas, je pense que sur le coup, peu importe, puis tu me l'as fait réaliser quand on était ensemble, peu importe sur le coup, faut juste que tu passes à travers. Des fois, tu peux l'apaiser un peu. La mie de pain et la farine, moi, j'ai testé beaucoup. Puis, mettons, un pain ménage, ça aide. Métamucile pour vrai. Ok, ça, c'est un truc de routier, ça, là. Ok, ouais, mais c'est pour l'après. Parce que tu veux pas que ça reste là trop longtemps. Fait que ça une cuillerée de métamucile. Ben, si tu te clenches deux bons verres avec du métamucile, là, ça aide. Puis le pro bonus avec ça, c'est que tu fais des belles selles le lendemain aussi. Ah, avec ben, c'est les ça, parce que tu veux pas une selle qui colle. C'est ça. Qui jambe, parce que, tu sais, si ça chauffe en rentrant, t'as un peu les mêmes problèmes en arrière, là. Fait que ça chauffe aussi. Parce que accentué, ils ont moins de pratique en arrière aussi. Fait que... Parlons des vraies affaires de la sauce chaude. Les selles. Non, mais. Parce que, non, mais c'est vrai, faut qu'on en parle, parce que, tu sais, on le dit pas assez souvent. Mais chier le lendemain d'une trollée de sauce, c'est une des pires affaires au monde. Moi, j'ai l'impression qu'on le dit souvent. Hein? J'ai l'impression qu'on le dit souvent, moi, parce qu'à toute fois que quelqu'un mange piquant de même, là, si je l'entends parler le lendemain, puis comme « Oh, shit! » On dirait que ça vient avec l'élément de fierté de genre « Hey, j'ai mangé piquant hier, mais le lendemain, par exemple! » Mais c'était le WEG, c'est ça souvent, le WEG. On dit toujours que le WEG, tu sais, tu chimous le WEG après, là. Puis quand tu t'accompagnes avec Ellie... Moi, je suis pas un vétéran du WEG comme vous autres. Puis j'aime puis je déteste un peu la réputation que je me suis comme forgé de mauvaises décisions autour du souper. Là. On a tout le temps un souper mexicain. Puis il y a tout le temps un moment de la soirée où t'as Ellie ou du monde qui arrive des sauces pop. Puis les 30 gars autour de la table se réveillent d'abord. Puis regarde-moi, puis Fred, j'ai mu. Puis on fait comme bon, ben. Faut qu'on leur donne qu'est-ce qu'ils sont venus pour voir, tu sais. Puis là, on fait des tacos de cave de 20 minutes après, je suis en arrière des oreilles, puis... Ah, oh, aïe, aïe. Dire que je suis déjà des oreilles. Mais non, mais là, c'est pas pire. Il y en a des solides. Rick est en train de placer ça, là. On est moi, je pense que cette année, au WEG, je risque de m'en prendre une petite shot. Ça me réveille, là. C'est, je t'ai jamais vu réveiller le même temps ça... pendant un wreck. Ben, comparé à du Red Bull, c'est c'est meilleur pour la santé que du Red une Bull. Tu ne prendras jamais une grippe avec la sauce forte. Mais là, c'est quoi? Toi, tu voulais faire les comparaisons. Mauvaise décision, le wing. Moi, je mettrais deux wings chaque, en fait. Deux wings? Oh! Parce que t'es pas obligé de manger ta wing. T'es en train de m'enlever. C'est deux sauces que j'ai commencé à faire avec le show cette semaine. Je pensais que c'était toi qui les faisais. Non, à parce qu'on arrive au fond du baril de wing. Là. Il en reste-tu pour un autre shot après? Ouais, il reste pour un autre shot après. Après qu'on fait le 2. On n'aura pas le choix d'aller big après. Là. Ben ouais. C'est Brittany Mills. Oh, et puis de sauce cam. C'est Brittany Mills, en fait. C'est des sauces que je trouvais qu'elles avaient de l'air bonnes. Puis que j'avais su qu'elles avaient été bonnes, tu sais. Tu m'en as parlé dessus, là. T'en manquais une, Rick. Va t'en manquer une, Rick. Non, mais tu m'avais dit qu'il y en avait une qui disait pas chaude et qu'elle t'a pas ouais, comme c'est ça, c'est les autres, là. Mais en fait, c'est que il y a la chaude boucan extrême qui est marquée comme super piquante, puis la déraillée qui est marquée comme très piquante, puis qu'il y a un petit dial, là, la déraillée est un petit peu. Fait que c'est quelle qui est supposée être. Ok, en fait, déraillée plus bas. La chaude boucan extrême est supposée être beaucoup plus forte, mais quand j'ai goûté, puis on l'a fait dans le show cette semaine, c'est moins épais. On a fait la déraillée avant, la chaude boucan extrême, c'est à peine si j'ai goûté. Là. Fait que j'aimerais ça avoir votre avis. On va embarquer. Hey, je peux-tu vous faire une confidence? Ouais. De toute l'expérience du collectif là, à date, là, ça paraît peut-être pas dans mon front en sueur et mes babines jersey, là, mais c'est un des shows que j'apprécie le plus à date. Il y a le fun. Il y a le fun à faire. Ben, c'est ça, mais les moi, podcasts. C'est celle-là puis Zombie Side. Hein. On verra bien ce que tu vas dire de l'épisode. Zombie Side qui est jamais dit oui. Jamais sorti. Oh. T'as-tu vu avec quelle hésitation il soupe? quand tu sais pas la texture de comment ça va couler. Ça laisse pour Milter, je pense. Non. Non. Moi, j'aime les formes de wing de même en plus. Plus qu'eux autres. T'aimes mieux les deux os que le pilon? Ouais. Ah ouais? Ouais, ça, ben, ça se mange facilement quand même. Là. Pas j'ai un gars de même. Très forte. J'ai pas jamais compris pourquoi il n'y a pas un resto encore qui a décidé de vendre. Hey, tu veux-tu des wings pilon ou des wings, tu sais? Ah, il est tri, là. Genre, puis j'ai chargé plus cher. Ils viennent les deux ensemble, ben, tu sais, t'as les deux morceaux, faut que t'aies ça. Ouais, ouais, ouais, il y a ça. Ah, et ça, c'est au steak souvent avec les wings visqueuses, là. J'étais allé dans une place à Toronto, je me souviens plus comment ça s'appelait, mais c'est ça, c'était des chicken wings, mais genre tellement huileuses pis dégueu, là. Oh! Ouais? Ça chauffe encore ton affaire? Ben, en fait, oui et non. Ben, c'est juste parce que je retiens mes fluides. Tu sais, c'est comme je morve pis je bave pis je... Là, tu veux qu'on commence par laquelle, là? Ben, on peut, j'allais goûter à ça direct, on peut varier, tu sais, il peut y en avoir deux qui goûtent ou trois qui goûtent l'une en premier puis l'autre. Moi, je sais que si je goûte à la déraillée en premier, la chaude boucan extrême, je la goûte pas, fait que je vais faire l'inverse. Mais je vous laisse... Ok, c'est quel que tu commences avec? Okay, la déraillée et la jaune. La foncée, la chaude boucan, moi, Ok, ben tu commences j'ai aucune idée avec, qu'est-ce que moi, je fais. Moi, je vais commencer par la foncée, mais ouais, okay. J'aimerais ça qu'on fasse le contraire. Ok, ok, ben je vais faire le contraire. Okay. Santé. Ah. Santé, guys. Cheers. Ah, c'est du habanero, ça. C'est pas marqué dessus. Ah, c'est très bonne. C'est pas écrit sur la wing, c'est écrit. Non, mais ça goûte du habanero. C'est juste marqué piment fort dessus. Ah, c'est très bonne, celle-là. Britain & Mills sont quand même des produits d'une super bonne qualité, là. OK. Oh, la tabarnak. Ah, oh, ouais, hein? Ouais. Ah, c'est quel qui est plus fort? Ben là, je pourrais pas dire que c'est supposé être la chaude boucan extrême. Mais là, toi, t'as pris la déraillée. Moi, la déraillée, je me suis fait ramasser. J'ai fait un saut, là. Oh my god. Elle est pas si pire. Elle est bonne, la chaude boucan extrême, mais là, la déraillée. J'ai peur un peu, là. Ok, bon, fuck it, go in. La déraillée, c'est la sauce à base d'huile que je parlais tantôt. Ah, oh, tabarnak. Mais là, si je mélange les deux, je meurs-tu, genre? Non. Ça devrait pas. Tabarnak. Bon, elle est. Oh, va chier. Oh, je suis pas capable de la reach. Ah! Asti d'excuse, Max. Non. je me rends pas. Oh, la chienne. Oh my god, je la sentais puis j'ai peur. Puis c'est elle qui est moins forte! Donc, je suis pas fou, là. Ben non, t'es vraiment. Tabarnak! Je l'ai même pas fini encore. C'est bonne, hein? La chaude boucan extra, mais c'est est bonne, mais l'autre, là, c'est une sale. Pis l'autre, c'est ça, elle colle, là. Tu le sens dans ta bouche, qu'elle est partout, là. Elle a dû appeler la tabarnak. Oh! Ça, en plus, moi, j'aime pas ça, les affaires oranges, genre. Puis, hey, t'aimes le Kraft Dinner? Mike Frank, toi, depuis la nouvelle batch de Kraft Dinner, il y a de quoi de plus correct. Puis... Ah, je mange, je bave, puis je sens plus mes babines. Mais le deux, comment est-ce qu'il va? Hey, frotte-toi pas les yeux! Je me frotte le haut du chien. Pourquoi Éric, qu'on a fait ça? Ça sent très bien. Il n'y pas eu chaud, mais ça pourquoi qu'on fait ça? Hey, c'est con, là, mais dans ma tête, il y a de la brume d'imbarné. Oh, ouais, oui, il y a pas que de la brume après, c'est mental. Mais... Chris The End, dans ma tête, était moins épais que ça. Ouais. Je suis d'accord. Sans joke, elle me surprend pas tant que ça. Elle vient de me pogner dans le bas de gueule, là, puis... Parce qu'elle te ramasse partout. Le voyage dans les saveurs est bon. Ouais, non, mais j'aime ça, les différences. C'est le même fabricant, puis les deux... André, approche-toi un peu. Ouais, tu le vois, là, c'est... Oh man. Oh. Ouais, c'était bien pour moi de suivre avec la smoke. Ouais, là, je commence à suivre. Hey, moi, je vais juste chercher de la bière, j'en reviens, que ce soit pas haut. Peux-tu en avoir un autre, André? Ouais, merci. Une autre bière, merci, ouais. De l'eau, t'es vert. Okay. On dirait si je laisse ma gueule ouverte, c'est épais. Ah, quand tu respectes, quand l'air passe, c'est dégueulasse. Si je ferme, le haut de ma gueule chauffe. Si je la laisse ouverte, c'est juste le bas, mais quand je respire, c'est épais. Fait que je suis en train de setup la dernière run. C'est la dernière. Bon. Je vais ça va dans le plus fort. Donne ton killer. Y en a-tu une? Moi, je me souviens quand on a fait ta salsa. Moi, j'ai pas amené. Elle est stupide. Ah, ça a pas de bon sens. Je t'ai déjà vu souffrir. Je te vois, c'était là, je t'ai vu souffrir. Ah ouais. Mais j'étais moins habitué dans le temps aussi, là. Mais parce que je me suis fait surprendre par la salsa aussi. Je savais pas à quoi m'attendre, mais je me suis dit, c'est juste de la salsa. La cam a encore gelé. Pas pour nous autres, mais. C'est pas gelé de notre côté. Non, pas nous autres, hein. Non, elle est pas gelée. Peut-être le stream. L'allumette fait F5. Oh, tabarnak. Non, ok, refresher tout le monde. C'est Ouais, côté. C'est la Death by Salsa que t'avais. C'est ouais, ça, mais c'est My Flynet était là, c'est pas nous autres. Autres. Mm-hmm. Faites votre refresh, guys. Notre technicien nous confirme qu'en faisant un refresh, vous allez être correct. Ouais, on est ici. Puis plus de force Chris, tellement que ça brûle. Comment se rafraîchir à Ariel? J'ai refresh, mais il y a des pubs. D'après Twitch, ces pubs nous subventionnent. J'ai un opener. Ouais, ok. Ah, ben si tu veux pas de pub, la limite, tu pourrais subscribe. Non. Ah, ça marche plus. Je niaise. Ok, ça marche pour moi. Ok, merci, cool. La batte 50 n'a jamais été aussi bonne. Puis à date, Milter, toi, qu'est-ce que t'en penses de ça? Gars qui fait pas d'épices habituellement, gars qui voit pas la bouffe comme son adversaire normalement, gars qui aime pas les choses oranges, qu'est-ce que t'en penses à date? Je sais pas comment le dire ça, genre j'en mangerais 20 wings genre, mais pas de sauce. Avec la sauce c'est comme, tu sais, je comprends pourquoi que des gars après peuvent se commander juste 18 wings à 3 là, s'il y a de la sauce forte. Ok, on va, moi j'aime voir va gager ça dans sa boîte. La dernière, là, la orange, là, ouais. elle revient encore. Ouais, là, c'est plus un enfant que, de chienne, celle-là. Là. Plus que je parle, plus qu'elle revient, puis je pleure, genre. C'est comme je pleure, puis je pleure pas en même temps, genre. C'est comme, je sais pas comment le dire. Ça me rappelle, genre, tous mes animaux de compagnie que j'ai eu quand j'étais jeune, puis c'est comme si ils seraient tous décédants en même temps. Avec la bouchée de wing. Mais, tabarnak! Y en a là-dedans que je peux comprendre le fun de vouloir les manger avec du monde, tu sais, puis de faire, comme, si on peut dire, un challenge ou quelque chose, tu sais. Comme ça. Sauf que j'aimerais que, si moi, personnellement, je serais pour manger les sauces de même, je serais plus comme un peu. Celle au bleuet, tantôt, là, je suis pas un gars de fruits nécessairement, puis tout, là, mais. Mais c'est bon. C'est... J'ai trouvé bonne, puis elle était pas trop. Pis si tu prends. Épicée, forte, là. Comparé à ce qu'on mange, c'est pas. Tu sais, comparé aux dernières, là, celle au bleuet, elle était pas si forte, là. Non, c'est mais c'est ça, elle était. Elle était soutenable. Elle était pas forte. Ben, celle que, elle, je l'ai trouvée quand même bien à date. Puis celle au bacon que t'as sortie de la première, elle était même pas épicée, là. Rick, il nous en reste-tu pour un autre round? Non, c'est elle. Mais c'est de l'ascar, là. Mais c'est de l'ascar pour le gros. Mais je pense que Milter mérite une bacon ou une. Ben non, j'ai pogné le gros. Ah, ok, ben je n'ai pas de quoi de doux. On l'a mangé tantôt. Non, j'ai dit moi normalement. Pour là, là. Moi, bring it on, là, le plus fort qu'on a pour là. Là c'est sûr. T'es sérieux, toi? Ben il faut finir. Il nous reste. Non, mais ben, pour tout le monde, je parle. J'ai plus, tu sais, j'ai une Mad Dog 357. Sur chose, vous avez probablement vu la spéciale qui est 750 000 Scoville. Pour l'occasion, j'ai acheté la 25e anniversaire qui est 1 million et plus. Et plus parce qu'ils ont arrêté de compter. Bon, ben. Fait que pour ceux qui écoutent live. T'es tant qu'à y aller en progrès. C'est là que ça finit. 1 500 000? 1 million? 1 million et plus. 1 million et plus. C'est pas raté en haut d'un million. Ça. OK. Mais je disais chez nous, si je serais pas. Excusez. Si j'étais. si j'étais pour mettre de la sauce sur ma bouffe, je prendrais comme celle au bacon, celle au bleuet. Parce qu'elle n'est pas qui, orange. Elle n'est pas orange, de un. Puis deuxièmement, ils sont tolérables au point de dire que je vais en manger une deuxième aile de suite ou quelque chose de même. Tandis que les autres, c'est vraiment, tu prends du temps entre tes affaires puis t'attends un peu. Puis, Fait que c'est quel Ellie, là? Mais si, boy. Tu vas sentir avant qu'on... sent la Mad Dog. Les Mad Dog, les 1 million, souvent vont être des sauces faites à base d'extrait. Non, extrait de chili. Ah, mais de l'extrait, c'est comme l'huile à l'intérieur du piment. C'est ce qui est le plus fort. Ça goûte pas bon. Flynet, il dit « Faites le outro tout de suite. » Mais avant, j'en ai peut-être une que j'aimerais ça que vous goûtiez. À cuillère. À cuillère, peut-être. Okay. C'est la fumisterie. Moi, je touche plus de cuillère à soir. Mais on peut te le verser direct dans la gueule, Rick. Direct dans la gueule. Mais toi, il y a un trooper, il y a ça. Ben, je l'ai dit, je suis pas un quitter, moi. Quand je pars une run à Dead Cell, j'ai fini. Il y a un noir, un café. C'est ça. Un café. On lui goûte, là. Genre, l'affaire que ma femme va aimer, c'est au café. Ben, on devrait se mettre au-dessus d'un plat, genre. Comme lui qui est là, là. Ouais. Oh! Hop! Oh fuck! Scott Powell! Se mettre au-dessus d'un plat. Dispenser. Faudrait pas que ça coule partout. Bonne chance qu'on ait des Scott Powell. Une chance qu'on n'a pas un show de cuisine, hein, pareil. Ça me coule sur la tête. Non, je coûtais la cuillère, Willy, mais je vais. Faudrait, Élie, que t'invites Bob le chef. Je vais la prendre, quand même. Arcade piquante. S'il joue à des jeux vidéo, bien sûr. J'imagine que oui. Tout le monde a accès à des jeux vidéo ou à des jeux vidéo dans son histoire, là, tu sais. Surtout des plus jeunes, un peu, là. Avec le Swiffer va passer. J'ai parlé à des personnes que je vais recevoir bientôt. Que tu dis, eux autres, ils jouent pas. Oui, ils jouent, ouais. Ah. OK. Tasser les bières au pire. Pas beaucoup, pas beaucoup! Pas trop. Ok. Mais boy, c'est pire. Mais c'est une sauce faite par la pimenterie, ça. C'est l'air plus forte, mais. Cheers. Hey, en même temps. Il y a avant qui parle trop, là. Deux, un. Comparé à tout ce qu'on a pris, c'est pas une sauce forte, là. Ah, ok. Ah, c'est bon, juste. C'est palette cleanser, ça. L'heure plus forte. Merci, Élie. Ok, ouais, j'avoue. Mais confiance. Oh, man. Ouais. Oh, man. Il est en train de nous setup, là. Il est en train de nous placer correct, puis il sort là, 1 million après, là. Ouais. Ah, ben, elle est quand même forte, elle, là. Elle est quand même un peu. Ben, comparé à tout ce que j'ai. Ben, j'en goûte plus, moi. J'en sens légèrement, juste pour dire. Mais quand même, le goût est très intéressant. Je la sens dans le fond de la gorge, plus celle-là, moi. Je sais pas si ça change de choses. J'en sens même pas. Ça goûte l'aquatica, qu'est-ce que tu dis? C'est ça, rendu là, c'est comme. De la c'est de la crème en glace. Là, on, all right. Il y a quelqu'un tantôt dans le chat, Fredo Star, il a écrit « Après manger de la crème glacée, comme ça quand tu chies, t'as hâte qu'elle arrive puis ça refroidit tout. » T'as un truc. Ben, je sais pas, si j'y fais confiance, t'es un auditeur du podcast. Tu sors la 1 million. C'est ça. Oh yeah, en plus j'ai une wing dans la forme que j'aime. Oh tabarnak. Le triple dab. Pas supposé mettre ça à petite cuillère. Miniature. Ouais, je sais pas si vous voyez comme faux comment ça coule. Là. Ça coule quand même beaucoup. Elle est plus liquide que la silver. Ouais, ce qui est toujours bon signe. Puis, je vais juste montrer. Ma Dog 357 vient avec un petit porte-clés qui est une balle de gun. Puis, quand tu dévisses la balle de gun, c'est une petite cuillère pour goûter la griffe. Ouais, là, vous verrez la pas. La cuillère est grosse comme. Elle est grosse comme une cuillère à poudre. Les petites cuillères à cocaïne, tout le monde. Hey, c'est gros comme un tournevis plat. Mais le monde savent c'est quoi des cuillères à cocaïne, André. T'as juste. On peut-tu juste la souffrir, celle-là, là? Hey, ok, bon. Ok, go. C'est sûrement là qu'on l'échappe. Fait que. Va falloir que j'aille un reach. Oh, t'as peur, fait de. Ah, ben. Je sais pas par où mort dedans, genre. Okay. Ah, partout et bout. Okay, cheers. Cheers. Pas cheers. La manger au complet. Rest in peace. Ah, la tabarnak. Oh, ah! Pourquoi? Non. C'est un goût qui rappelle la silver. C'est un goût qui rappelle ma mort. Puis souvent, c'est la seule qui m'a donné le shake à date, en tout cas. Du bon contenu. Oh. Surtout audio, là. Oh ben, non, ça a fucking chauffé mon nez. Ça m'est arrivé aussi une couple de fois de me frotter. Ça va, un lapin. Fresh, s'il te plaît. Je trouve que, personnellement, là, c'est moins pire de prendre ça que j'ai des sauces au ghost pepper qui sont plus liquide qui vont couler puis enrober ta wing. Je trouve que c'est pas la grosse pepper. Pourquoi qu'on a fait ce show-là? On a-tu perdu Max? Oui, il est dans le... Le goût est moins pire que l'autre. Quel goût! J'ai le dos de la gueule en feu, là. Ce qui est hâte avec les Mad Dog, c'est que tu la sens descendre en toi. Oui, hein? Tu sais exactement où est-ce qu'elle est. Elle est ici, moi. Mais tu la sens dans ton estomac, tu la sens dans tes intestins. Là, tu manges papier, il mange du papier. Mais elle, quand je l'ai faite avec toi, tu sais, je l'ai craché tout de suite. Là, ouais. Je suis allé plus loin, puis. C'est pas une bonne affaire. C'est vrai que t'as sans descendre, par exemple. T'as sans, tu sais, dans 2 heures, tu vas savoir elle est où. Mais c'est plus du. C'est pas t'as sans descendre, t'as sans s'éparpiller comme du Pepto-Bismol, là, tu sais, ça te tapisse tout. Puis plus que je parle, tabarnak, plus ça chauffe. Il est venant. Tu peux prendre des chips, c'est bien. Alors là, là. Hey, celle-là m'a fermé le breaker en tabarnak. Faut que je conduis, moi. Là. On s'adore. Ça remonte. Ça remonte, puis ça te ressouffle encore après. C'est une douleur qui part après à peu près 15 minutes, là. Il est quelle heure? Ouais. Il faut le rabot. On dirait que je pleure du nez, man. C'est le côté ici, là. Pis. Pis, Ellie. Ah, ça va bien. Moi, ça va pas partout. Non, ça va pas bien. Je m'approche de l'arrêt. C'est pas le fun. Dans le nez, c'est vraiment pas le fun. Dans les yeux, c'est le aussi. C'est le bout de la gueule, là. Ben, moi, c'est les lèvres. C'est quand ça pogne dans les lèvres, là, tu respires. Sérieux, j'ai l'air. Ben, c'est dans les lèvres, c'est ça. C'est je respire, ça chauffe, puis ça me. Ben, je suis allumé, là. J'ai l'impression de faire de la pilule, comme quand j'étais jeune, là, d'aller dans les lèvres. Tu t'endors-tu, là, genre? Ben, là. Tabarnak. Impossible. Ben, au WEG, là, une cuillerée de ça quand je commence à. À canter, là. Tu sens vivant, genre? En crise. Vivant, mais sur le bord de la mort. Genre, je sais pas comment dire. Bon. C'est sûr, ma soeur faire du bungee. Y'en a pas un autre, fuck you. Va chier. Il reste 3 wings. Je peux avoir une plane? Une plane? Non, je peux. J'ai même pas fait. On aurait dû commander 2 frites. Attends, là. Ah, je reviens, je m'en vais essayer de trouver quoi dans la cuisine. Du sucre, man. Une cuillerée de sucre. Ah, du sucre. Le riz. C'est vrai, ça l'absorbe l'huile. Puis tout, j'ai lu sur Internet. Puis je n'ai pas plus amené. Du miel, Flynet, il dit du miel. Du miel, c'est beaucoup de sucre, je pense. Ouais, c'est pas keto pour moi. Du miel, ça, c'est pas keto. Les abeilles sont anti-keto, tu vas me dire. Il y en a un qui dit, es-tu plus piquant? Oui. Non, dis pas ça, Will, man. On a goûté tantôt une sauce qui est à peu près 1 million et plus. Celle-là est 6 millions et plus. Non, tu sais. Oui, le turd, tu l'essayes-tu? Non. Fait que tu sais, t'as le niveau de piquant qu'on a goûté là, ben 6 fois pire. Fait qu'il dure genre 1h30. Je l'ai bouffé, elle, puis elle m'a pas fait tant d'effet. Ouais, quand il a goûté, on a goûté une goutte à peu près. T'sais. Ouais, là, on vient pas une grosse dose de. Là, t'as pris une wing à la Mad Dog. Moi, je pensais que t'allais mettre des une goutte sur chaque wing, genre. Non, ça, c'est un truc que j'ai découvert. Mais... Ça marche mieux quand il y en a beaucoup. Ouais, ouais. Moi, je pensais qu'on ferait vraiment comme dans Hot Ones. Ils mettent juste un dab ou deux. Genre, non. La wing est trempée. J'ai vu comment est-ce qu'ils font dans Hot Ones. Puis ils prennent un bol, puis ils mélangent la sauce avec la wing, puis ils abrassent. Pendant que je suis pas mal tout seul qui est capable de parler. Vas-y. Ouais. Hey, on va peut-être faire de quoi au montage pour l'audio, je m'excuse. Mais non. Faut peut-être... qu'ils entendent la souffrance. Il y a fuck la 6 millions. J'ai pas dans le plan. Non, fuck off. J'ai reçu beaucoup de commentaires sur mon Facebook sur Hot Ones. Tu sais, c'est une copie de Hot Ones, ce que tu fais. Oui. Ben, c'est inspiré. Ouais, c'est... Tu sais, veux pas, c'est un concept que j'aime. Mais la seule chose que je reprends de Hot Ones, c'est les wings avec les hot sauce pour le pacing. Tu sais, je considérais que je serais copié. Si j'avais un background noir, ça serait juste des entrevues que je reçois des rappers, tu sais. Puis, veux pas, t'auras pas Laurent Lassalle à Hot Ones. T'auras pas Julien Bernatché à Hot Ones. C'est comme dire que t'aurais Laurent Lassalle sur, je sais pas moi, fucking dad jokes. Ben, il est sur non, mais il veut dire l'original. Ouais. Mais tu sais, je veux aller ailleurs aussi dans les invités. Je veux parler de jeu, tu sais, ce qu'ils font pas. Je considère pas que c'est... On survit. André, là, il a les yeux. On dirait qu'il fait une fumée. Je pensais qu'André a la tête de Warrior, qu'on allait être capable à la fin de parler tous les deux. Mais finalement, non. Mais ouais, hein, moi aussi, je m'attendais à ça. Là, ça il était primé. Celle-là. Ah, la Mad Dog va te ramasser un peu n'importe quoi. Un petit peu moins pire, là. Ça en vient pas si pire, là. Ça en vient de ta femme. Fait que t'es prêt pour la 6 millions? Pas sûr, là. Oh! Faut quand même que tu conduis, là. Une petite cuillère de 6 millions. Mais non, je la conseille pas, surtout avoir pris la quantité de Mad Dog qu'on a pris. Comme je disais, dans une heure, on aura plus la ça va tout se mélanger. C'est escalé, là. Ouais. C'est moyen plaisant, là. C'est pas super, c'est tolérable, mais tu sais exactement ce qu'il y a. Tu vas te lever demain matin, puis tu vas pas se passer sur ou si je vais rester. J'étais à 4 pouces en haut du nombril. Je sens que. Ben, André, it's that show. Akoufen, il veut qu'André prenne la 6 millions. Akoufen va prendre son mal en patience en Mais pense pas que ton concept c'est une copie. L'inspiration, c'est quelque chose qui est très courant sur l'internet. Puis c'est comme du jazz, hein. C'est comme tu pognes une base. Puis tu la twists comme tu veux. Là. Nous autres, on n'est pas le podcast original là, sur le culture geek. Puis si on veut commencer à dropper des affaires à repris, j'ai une liste pleine qui me vient à la tête directement. Ouais, ton Bond Minute. Là. Hein? Ton James Bond. Non, pas de moi nécessairement, mais qui sont vraiment faits. Ah ouais, c'est ça. Là, comme ça, c'est correct. Puis aussi, je pense que quand ça vient culturellement. Surtout sur le web où c'est tout free, tout open, tout comme on fait qu'est-ce qu'on veut là-dessus. Je pense que c'est toujours aussi premier arrivé, premier servi. C'est comme... Je devrais-tu, parce qu'il y a un show sur YouTube de monde qui mange des ailes piquantes, je devrais-tu ne plus filmer quelqu'un qui mange des ailes piquantes? La question va plus loin que ça. Vu qu'il y a déjà quelqu'un qui stream du World of Warcraft, est-ce que je devrais streamer du World of Warcraft comme... C'est ça qui devient la question un peu. La réponse est oui, streams le plus de World of Warcraft. J'aimerais dire qu'on a perdu Max et André. André, je pense qu'il est... Là, je suis correct. Ah, là, il est correct. La toilette est occupée. Non, mais en fait, j'avais comme une boule ici. C'était des astidrotes. Fait que je suis comme... À leur retrait... Épargner le monde. Mais ouais, c'est ça. Fait que je comprends ce que tu veux dire, mais tu sais... Céline Dion existe à cause des classelles, là, comme... Ah oui, tu sais, moi, ça me dérange pas, mais le monde arrive tout le temps avec ça, pareil, tu sais, puis des fois, je fais de la pub sur Facebook, genre, puis après, « La même affaire qu'Hot Ones. » Non, c'est pas tant la même affaire, là. Non, mais ouais, en même temps, by the way, merci de nous name-drop un show que tout le monde connaît, t'es pas la personne... Mike Frank, vous autres, je connaissais pas ça avant que toi, tu m'en parles. Regarde, écoute, venant d'un podcast de culture geek québécois, là, il y a à peu près 1000 autres shows comme nous autres. Demain, il va en avoir 1002, 1003, 1004. Des streamers de PUBG. Tu sais, on s'en crie. C'est signe de moins, Aster. Ouais, c'est ça. Streamer Fortnite. Ok. Je pense que c'est important, ce qui est cool, puis ce que j'aime beaucoup d'Arcade Piquant, que j'en reviens pas, je suis capable de parler. Mais, tu sais, tu tripes dans ce que tu fais, puis. Milter. T'as tout le temps le don de surprendre le monde. Milter, il me surprend à soir. Non, faut qu'on regarde Max. Ouais, Max est dans le coin, il est comme tabarnak. Excuse André. C'est son qualificatif vivant. Genre. Mais c'est ça, tu sais, c'est que tu trimes dans ce que tu fais, puis tu fais un produit de qualité. Puis à la fin de la journée, sais-tu qui va décider si t'aimes ça, puis si t'aimes pas ça? Toi, puis le monde qui t'écoute. Tant qu'il y a du monde qui écoute le show, nous autres, il y en a plein d'autres podcasts geeks. Mais on va le faire. Ah, ça, tant que j'ai du monde, moi, qui veut me suivre. Et puis c'est l'OBS. Je vais le faire, puis même si j'avais personne qui m'écouterait, j'ai du plaisir pareil, tu sais, à parler à ce moment-là. Nous autres, on a plein de plaisir, quoi. Ouais, du plaisir, j'en ai un tabarnak. Mais, on aurait dû écouter Flynet pour faire l'outro avant, je pense. You're the donation link, m'a me fâché. En fait, vous pouvez subscribe sur Twitch Prime. Oh, mais il veut nous donner Sean Ling pour faire qu'on fasse la 6 millions. Non, non, fuck off la 6 millions. Hein. Non. Bon. Fait que c'est ça, André, il va avoir un petit peu de montage à faire. Ouais. Ben, mais les grands lignes sont là, là. On fait-tu les plugs? Ouais, je pense qu'on est rendu à la fin du show. On va faire les plugs, tout le kit. Mais on les a toutes faites, sauf la 6 millions. Mais le but, c'était pas de faire la The End. Non. Ça, c'était ça. Ben, moi, ok, non. J'aurais aimé me rendre. Mais il me reste deux jours à ma semaine. Non, je vous suggère pas, sérieusement. Là, pas, ça aurait pu être à la place de la Mad Dog. Mais les deux. Pas les deux, en mode bonne idée. Sur la gestion, j'ai hâte. En fait, la fois que j'ai plus hâte de, c'est de voir ma job de demain avec le Metamucil. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Je veux voir. Tu veux essayer, c'est vrai. Ah ouais, je vais me faire comme qui a dit. Deux bons verres de Metamucil, là. C'est moins pire. Ouais. En fait, je l'ai pas fait, mais est-ce que je connais. C'est beaucoup moins pire. Puis je peux comprendre parce que le feeling le lendemain, si je peux décrire c'est quoi, genre, ça va être trop dégueulasse. Tu vas aux toilettes. Ça marche, tu sais, ça y va lousse, mais on dirait que c'est jamais fini. Ouais. Parce que ça chauffe, dans ta tête, il y en a encore, ça va finir par sortir, pis non, puis tu pisses aussi, puis c'est comme tabac slack, ça chauffe de partout, tu sais. Puis. Ben, là, en ce moment, si t'as chauffé, c'est parce que tu t'es touché. Là. Ben, c'est ça. Hey, c'est pour ça la toune de Johnny Cash, Ring of Fire. Je vais vous partager mon pro tip de la soirée. De l'eau. Faire couler de l'eau, puis tu flushes la bolle pendant que l'eau frette à coule. Fait que l'eau devient plus froide. Ça là, vous me regardez tout, vous êtes comme eux. C'est la fin de la saison. C'est juste de comprendre le principe. Je vais peut-être adopter. Mais là, c'était pour te faire un pot maçon d'eau que tu parles. Pas pour pousser, genre. Non. Je suis pas rendu encore. C'est weird. Je suis pas rendu encore. No joke. Tu flushes la bolle, tu fais couler de l'eau dans la salle de bain, puis tu prends un verre d'eau frette. Elle va être frette, bien raide. Fait que rap nous ça, André, là. Cool. Pose des questions. Je pars un beat. Milter, les gens peuvent suivre et interagir avec toi. Tu peux liker ma page Facebook, qui est vraiment une fan page. Il y a du monde qui like ma page en tant que podcaster. Tu peux me follower sur Facebook. Sur Twitch aussi, c'est Zombie Milter. Je vais essayer de streamer plus à Star. Je stream des fois sur Facebook. À date, c'est arrivé deux fois. Fait que je vais essayer de transposer ça vers Twitch. Fait que Zombie Milter. Puis c'est tout. Les gens. j'ai comme perdu ma voix. les gens qui voudraient interagir avec toi. Les vendredis, Charcade MTL, excellent bord de fucking Ellie, le gars d'à côté, qui m'a donné la chance d'avoir ce petit job-là. Aussi, chez Soufax Review, qui fonctionne quand même pas pire. Là. J'ai eu un bel épisode hier avec Papa Cassette en chess, puis tout, pis c'était bien fun. Puis je recommence à streamer mon World of Warcraft sur Facebook. Excuse, mais c'est parce que Néo, il vient d'aller se faire couler de l'eau, puis il a flushé à la bol, puis il dit que ça marche. Hein? Mais ouais, c'est ça, là, World of Warcraft, streaming, fucking donjon raid time, là, raid ready pour septembre. C'est quoi la date, là, encore? C'est, je me souviens plus. Ouais, mais c'est début septembre, mi-septembre, je pense, là. Ouais. Mais en tout cas, je suis mieux placé que je l'étais dans les autres expansions, je trouve, que Legion. Je pense que ça roule bien mieux que ça, fait que je suis tout primé, puis je suis rendu tank maintenant, puis il faut que ça ait de la fun. Respect. Il faut, on n'a pas le choix. Max, les gens qui voudraient interagir avec toi, tu peux prendre le micro à Milter si tu veux. Ouais, je vais prendre la place à Milter en attendant. Donc, les gens qui veulent interagir avec moi, chercher de guitariste sur Internet, sont pas mal toutes les plateformes de gaming ou de streaming, etc. Sauf sur Steam, excusez-moi, MaxPerdu411. Sinon, Souffle Show, qui est mon deuxième compte de Twitch dans le but de faire plaisir les gens avec d'autres subs. Mais surtout pour niaiser avec mon personnage de Souffle Chaud qui, officiellement, je pense que je tiens bien ce nom-là avec ce qu'on a fait aujourd'hui. Ouais. Je pense en fait qu'on est. Hashtag on est Souffle Chaud. Nous sommes Souffle Chaud. Plus chie le chaud tantôt. Là, excusez-moi, je suis plus capable, mais ça me chauffe la gueule. Ellie, les gens qui veulent te rejoindre ou on voit ça où, Arcade Piquante? Sur Facebook, Arcade Piquante, sur YouTube, mais c'est principalement sur Facebook. Plus vous partagez, plus vous likez, plus pour moi c'est facile d'avoir des personnalités connues. C'est vraiment ce qui fait que ça fonctionne puis que j'ai mon reach. Sinon, au bar chez Arcade Montréal, je suis là souvent. Puis, venez si t'as la chance de brosser avec Ellie, fais-le. Sympathique, c'est super le fun. Très, très, très sympathique. Une des meilleures brosses à entourer. Moi, je veux juste dire que quand tu te mouches aussi, des fois ça chauffe dans ton nez après. Je vais devoir ça là. Partout où il y a des tuyaux à mettre. Ah, sacrément. Ouh. André, pour le monde qui écoute audio en ce moment, j'aimerais juste décrire un peu que André, je viens de le voir souffrir plus que je l'ai vu souffrir pendant longtemps. Il a questionné le bol, il a questionné le vomissage, il a questionné nous crisser dehors, pense dans ta tête, il a questionné couper le stream. C'est non, même pas, non, non, je sais que j'aurais jamais coupé. Mais le sentez-vous encore, oui. Oui. Guys, premièrement, j'aimerais remercier le monde qui est avec nous autres sur Twitch ce soir. Fait qu'on a eu un paquet de monde qui, qui ont participé. Là... Man, je me lavé les mains avant de pisser, puis ça chauffe. Ça chauffe. A Life Forsaken pour son sub, GF Labrec pour le follow, Chopper Chop pour le follow. Honnêtement, guys, un gros merci de contribuer au succès du podcast. Les gens qui nous écoutent jusque-là, merci. Calice, c'est tough, François. Deuxièmement, on diffuse sur Twitch le podcast, puis il y a deux manières de nous soutenir. On a le Patreon, dans le fond, vous pouvez aller sur patreon.com/collectif. Qui va vous permettre de contribuer au succès du podcast. Vous pouvez nous laisser des dons, peu importe, vous abonner. Et vous pouvez également... Je suis en phase de bave, là. vous pouvez également vous abonner au Twitch avec votre Amazon Prime qui est relié, qui devient un Twitch Prime, qui nous donne un abonnement, qui va nous donner du cash un peu. J'en reviens pas que tu manges des chips après ça, man. Fait que dans le fond, c'est gratuit pour vous si vous avez déjà un compte Amazon Prime. Puis nous, ça nous aide à financer l'hébergement audio. Ça nous aide à financer tout le gear qu'on essaie de faire fonctionner. Clairement, à soir, c'est pas une référence. Hein? Mais Patreon, Twitch Prime. Sinon, vous voulez nous aider, là, c'est super simple. Partagez le show, partagez les liens. Allez sur Facebook, likez la page. Allez sur Instagram, Twitter, peu importe. Pour ma part, ben moi je m'appelle André Paquette, je suis votre humble animateur. Flynet, alright man, thank you Flynet avec un Twitch Prime subscribe. Tu nous aides beaucoup mon chum, merci beaucoup. Fait que pour ma part, André Paquette, vous pouvez me suivre sur pas mal n'importe où avec Uzumaki QC comme Naruto, oui. Mais dans le fond, vous pouvez jouer avec moi sur Twitch, sur Stream. Je dépare, calé, ça n'a pas de sens. Mais honnêtement, vous allez pouvoir me rejoindre là-dessus. On va avoir un autre show qui va s'en venir dans les semaines à venir. Puis ensuite, on va avoir probablement trois semaines de vacances parce que je vais partir en vacances tout simplement. Donc, je m'en vais explorer le Japon avec ma douce. Fait qu'on va en profiter un peu. Puis quand on revient, c'est le WEG. Fait que ça ressemble à ça. Mais guys, honnêtement, un gros merci d'être avec nous autres semaine après semaine. C'est saison 2, épisode 3. Il y en a plein d'autres à venir. Élie, un gros merci d'avoir été avec nous autres à soir. Plaisir pour moi. Merci. J'ai jamais remercié autant quelqu'un qui m'a fait souffrir aussi rapidement. Fait que je pense que c'est du Stockholm Syndrome. Mais sur ce, guys, un gros merci d'avoir été avec nous à soir. Ma blonde est là, Paris, c'est dégueulasse. Ça fait plaisir. J'ai plus de concentration. Souhaitez-nous bonne chance pour demain. Souhaitez-nous bonne chance pour demain. Demain, on retourne au travail. Donc, j'espère qu'on vous a divertis ce soir. Et sur ce, on va se laisser avec. On va se laisser avec le soundtrack de Ski School, comme à l'habitude, dans le fond. Avec la toune Devious, dans le fond, de Gary Numan. Fait que c'est ça, guys. C'est ça le collectif. Et à bientôt.